94.2 Service Compris, l'émission qui vous réveille sur Fadjet. Et oui, c'est votre émission qui vous réveille sur Fadjet. Une matinale un peu spéciale parce que c'est la matinale de Noël. Nous sommes le 25 décembre. Joyeux Noël à tous. On espère que la veille, ça n'a pas trop été difficile. Une équipe qui fait partie de plein d'équipes, donc plein de mélanges de chroniqueurs qui vont vous réveiller pendant ce début de samedi, de week-end. Et il y a aussi une nouvelle chroniqueuse, Aurélie, avec nous. Un peu plus qu'une chroniqueuse, je crois. Animatrice, pardon. Bonjour. Excuse-moi. Salut, ça va? Bah oui, moi ça va bien. T'es un peu fatiguée, hein, du réveillon de Noël. Bah j'ai récemment me réveiller, il y a une demi-heure. Oui, je vois ça. Une demi-heure seulement. Et on est combien aujourd'hui? On est tellement nombreux. En fait, je t'avoue, je suis un peu fatiguée aussi. Ouais. Je sais pas si j'ai envie de les présenter. Si, il faut quand même. Parce qu'il y a du lundi, il y a du mardi, il y a du mercredi, il y a du jeudi, il y a peut-être du vendredi, je ne sais pas, il y a un petit peu de tous les jours là. Il y a du mardi. Alors qui est du mardi? Attention. Ben voilà, il y a Delphine, il y a Joss. Il faut allumer vos... Ouais, on va hop. Mais non, on va les présenter, mais j'aimerais qu'ils se présentent aussi un petit peu et qu'ils nous expliquent de quoi ils vont parler. Alors déjà, là, autour de nous, nous avons Eulalie. Salut. Oui, salut. Bien réveillée. Oui, ouais, super réveillée. Matin de Noël. Ouais, ça s'entend. Ok, la patate. J'ai plein de cadeaux. Ok, ah super, pour après. Tu vas nous parler de quoi aujourd'hui? Je vais vous parler, souvent je parle de voyage le mercredi matin. Ouais. Et donc là, je vais parler de voyage et de traditions culinaires autour du monde. Très bien, ça sera dans pas très très longtemps, donc restez avec nous. On va continuer comme ça ce petit tour de table. Alors, qui a un micro là-bas? On a Joss. Je suis présente, fatiguée, mais je suis là pour vous expliquer le système solaire. Ah bon? Je reviens cette nuit de ce voyage, c'était tellement beau que j'ai envie de vous en parler. T'as voyagé avec le Père Noël? Non, il était caché. Ou il n'était pas rentré. Ah d'accord. Donc Joss, qu'on retrouve... Alors pour expliquer quand même à nos chroniqueurs, à nos auditeurs, je vais y arriver, à nos auditeurs que là vous avez un mélange de toutes les équipes qui vous réveillent tout au long de la saison de 7h à 8h30 du lundi au vendredi. Là on a fait une équipe générale pour vous réveiller en ce samedi 25 décembre. Encore un joyeux Noël. Il y a qui d'autre? Galone. Salut. Salut Galone, qu'on retrouve le lundi et le mercredi aussi un petit peu. De temps en temps, quand tu es pas là. C'est vrai, quand je suis pas là, c'est vrai. Il profite que je ne sois pas là. Il se réveille pas. Et Galone, il va nous parler de quoi? Je vais parler de Maman, j'ai raté l'avion. Ah. J'ai cherché plein de petites anecdotes sur les deux films. Macaulay Culkin. C'est ça. Il a encore envie, oui. Aux dernières nouvelles, oui. Normalement, oui. Il a encore envie. Et on va prendre tout de suite la partenaire du lundi, Mélie. Salut François, salut tout le monde. Ça va? Bah, je suis fatiguée, mais ça va. T'as eu des jolis cadeaux? Non, j'ai pas eu de cadeau. La tristesse. Mais voilà. C'est de se retrouver ce matin, le cadeau. C'est ça mon cadeau. En fait. Voilà, avec du chocolat et de la limonade. Quoi de mieux qu'un samedi matin, samedi 25 décembre. Tu vas nous parler de quoi? Du coup, comme j'ai pas eu de cadeau à Noël et que je suis grave vénère, je vais critiquer les films de Noël aujourd'hui. Ah oui. Voilà. Ouais. Ceux que tu ne regarderas pas aujourd'hui. Ceux que je ne regardais pas aujourd'hui. Okay. On en mange depuis un mois et demi. On n'en peut plus. Je n'en peux plus. Ça commence de plus en plus tôt. Bientôt, les aura la rentrée de septembre, quoi. C'est vrai. On a qui d'autre autour de la table? On a Valentin. Bonjour à tous. Bonjour Valentin. Alors, toi, tu vas nous parler de... Alors, on sait que chaque année, il y a des drames qui se passent sous le sapin. Ouais. Et comme elle n'a pas eu de cadeau, Mélie, on va parler des 5 pires cadeaux. Vous allez voir, ça va. Et parfois, ça vaut mieux ne pas avoir de cadeau qu'un pire cadeau. Bah, c'est quand c'est les repas de famille, tu sais, qu'ils sont un peu grands, comme ça, tu ne peux pas offrir quelque chose qui convient à chaque personne. Ouais, donc, tu fais un truc un peu passe-partout, comme ça. Et tu es souvent très déçu. C'est souvent mon cas. Ça sera le cas. On a aussi... Delphine. Oui. Delphine. Bien le bonjour. Bonjour Delphine, qui a pour habitude de nous présenter des choses horribles. Je vais garder cette habitude. Bah oui, c'est ça. Parce que je vais être un peu le mouton noir de la famille Radio Fadjet. Je vais parler d'une bestiole un peu maléfique de Noël. Ah bon? Oui. D'accord. On a déjà tous peur. Donc voilà, on a fait le tour, non, Aurélie? On est où? Eh bien, on va conclure ce tour de table avec Catherine. Catherine qui, en plus, va inaugurer, ouvrir cette émission juste après. Voilà Catherine, c'est à toi, tu peux ouvrir le bal. C'était une belle entrée en matière. Voilà, j'ai voulu te mettre un peu de son. Père Noël. Parlez bien dans le micro, on ne vous entend pas bien. Oui, j'ai mis les pins sur les boucles d'oreilles de Noël. Ah oui, j'avais pas vu les petits Pères Noël. Oui, c'est Noël aujourd'hui. Ah bah oui, évidemment. Voilà. Alors Catherine qui a rejoint la matinale il n'y a pas très longtemps. Il n'y a pas longtemps. Non, il y a un mois et demi, même pas. Avec l'équipe du lundi d'ailleurs. Oui, du lundi. J'ai commencé par le mercredi. Voilà, voilà. Ça va, je suis. On fait tous les jours. C'est impeccable. Et toi, tu vas nous parler des traditions. Oui, les traditions de Noël qui sont très présentes et de plus en plus présentes, j'ai l'impression. Les gens se rattachent de plus en plus aux traditions de Noël. Et donc, il y en a plusieurs. Je vais vous parler de celles des différentes régions de France. Ouais. Donc, on va commencer par l'Alsace, hein, bien sûr. Tous les dimanches précédant Noël, les Alsaciens allument les bougies de la couronne de l'Avent, faites de pommes de pin et de tranches d'orange séchées. Et bien entendu, comme les Lorrains, le 6 décembre, ils fêtent la Saint-Nicolas, protecteur des enfants et de la Lorraine. En Bretagne, c'est une tradition qui est totalement différente. Avant de partir pour la messe de minuit, les Bretons avaient pour habitude de placer une bûche enrubannée dans la cheminée et de l'arroser de sel et d'eau bénite en signe d'abondance. Ça devait leur porter chance pour l'année qui suivait, en fin de compte. En Bourgogne, on ne fêtait pas le Père Noël, mais le Père Janvier. Le Père Janvier ? Oui, le Père Janvier. Comme le mois. Celui-ci. Je ne sais pas. On dirait un vieux du village comme ça. Tu sais, j'en parlerai au mois de janvier. Il faudra écouter. Mais janvier, comme le mois de janvier ? Comme le mois de janvier. Ouais, y a pas le Père Janvier. Puis le Père Février, le Père Mars, tout ça, non ? Je ne sais pas. Ouais, le Père Mars, en même temps, c'est du chocolat. Chocolat, comme c'est avril, c'est Père Avril, ça. C'est ça. Non, Mars. Ah, bon, attends, faut que je trouve un jingle pour enfin un applause. Voilà. D'accord. En Savoie, ce n'était pas le Père Noël non plus qui venait déposer des cadeaux à l'époque, mais le Père Chalande. Qu'est-ce que c'est que ça, là ? Je ne sais pas, mais ça va faire le comment dire, une. Non, c'est comme quoi chaque région a bien ses traditions. Et la bûche de Noël était remplacée par des rissoles. Des et rissoles. Des petits beignets. Ah oui. Rissol, qu'est-ce que c'est qu'un petit rissol ? C'est je suppose c'est du beignet avec du sucre, non ? C'est ça. Et plein d'huile ou plein de beurre. Oui, c'est ça, bien gras, d'accord. Bien rissolé. C'est une bonne consistance. Pour les obèses. En Normandie, le soir de Noël, la coutume normande était de faire brûler une bûche dans la cheminée en y ajoutant les restes de la bûche brûlée l'année passée. C'est pas possible. Si, il gardait ça de côté, ah bon, il les remettait, il rebrûlait. C'était pour la continuité du bonheur et du bien-être de la bûche, qui est dans le feu, pas la bûche qu'on mange. Ah oui, bah c'est ça, parce que je me dis, il brûle une bûche au chocolat pour la remanger l'année. Les mecs, ils sont graves. Hein. D'accord, ok. Voilà. Ah oui, il faut bien garder sa bûche, effectivement, oui, il faut avoir de la place chez soi, hein, parce c'est que ça. D'année en année, quoi. Voilà. Après, on arrive en Provence, une des plus belles régions. Il y avait 12... Alors, je parle plus de là des santons, les petites figurines en argile, qui représentent en fin de compte tous les gens qui habitent dans les villages. Donc, il y a le meunier, le boulanger, le berger, et qui s'installent autour de la Sainte Famille. Et la tradition, bon, c'était de préparer les 13 desserts et de décorer la table avec du blé, de la Sainte Barbe et une branche de houx porte-bonheur. Ah, c'est bien spécifique. Hein. Voilà, c'est spécifique. En Corse, alors là, vous allez sourire, du jambon. Mais la fameuse chanson « Petit Papa Noël » vient de Corse. C'est Tino Rossi qui l'a inventée. Voilà. Et là, les Corses avaient l'habitude, la coutume des 7 veillées consistant à rendre visite à 7 familles du village le soir de Noël. Ils faisaient le tour du village comme ça. D'accord. Et en fin de compte, ils brûlaient aussi la tradition, la bûche. Et là, la bûche brûlait pendant la messe de Noël. Et quand ils revenaient, elle devait être consumée. Ah. Voilà, c'est des traditions. Ça, c'est encore ça, avec Tino Rossi. Et si elle ne l'était pas ? Ben, ils recommençaient. Je vais aller en Corse pour leur demander. Je vais aller en Corse. En Champagne-Ardenne, Noël était placé sous le signe de la gourmandise, avec des gaufres. Ils mangeaient des gaufres. D'accord. En Champagne-Ardenne, voilà. C'est tout. Bah, Champagne-Ardenne, c'est... Voilà. C'est les mecs, mange ta gaufre et puis tais-toi. Hein, voilà. On va pas après la messe de minuit. Oui, c'est ça. J'ai oublié de lire. Après, très important. Après la messe de minuit. À Lyon, c'est les papillotes. Ben tout le monde connaît les papillotes qui ont été créées au... Créé. C'est lundi, c'est le jour de Noël, c'est compliqué. Il reste un peu de, voilà, de chapon. Voilà, c'est ça, de chapon, de boisson, de tout. Sont nés au XVIIe siècle. Et c'est un apprenti confiseur qui eut l'idée d'offrir ses chocolats. Il avait enveloppé dans les chocolats un mot d'amour pour sa prétendante. Oui, voilà. Habituellement, c'est des mots d'amour, c'est pas des petites blagues pourries. Non, c'est ça. D'accord. Ou des c'est pétards, ça, les claques machin, les claques doigts. Voilà. Et il m'en reste une, la Franche-Comté. Mmh. Alors, il n'y a pas de Père Noël en Franche-Comté. C'est de la cocoyotte. Mais c'est la tante Harry. C'est la tante Harry. Tante Harry. Alors, eux, ils ont inventé un truc. Hein. Les bonbons, c'est la tante Harry. C'est la bonne fille du folklore de la région, mais c'est aussi la Oh, j'ai dur ce matin, mais... Protectrice. Mais il est tôt là encore. Hein. Mais t'inquiète du pays pas, de Montbéliard, le... ouais. Selon la légende, la Tantarie accueillait les habitants dans sa grotte et leur faisait part de ses prédictions ou réalisait des miracles. Faites très attention si vous avez une tante qui va vous accueillir dans sa grotte. Et à Noël, elle venait accompagnée de son âne Marion, ouais. Distribuer des cadeaux aux enfants sages. Mais voilà. C'est incroyable, j'ai jamais entendu ça, moi, tout ce que tu m'as sorti, là. Et ouais. Pourtant, Dieu sait qu'on en a fait des Noëls à Fadjet, bah, avec des traditions. Hein. Mais pas avec Catherine. C'est vrai que j'ai jamais entendu ça. T'as exactement. Entendu sur la Tatari, toi, ou le Père Janvier. Tatari. En même temps, si tu écorches les noms, c'est nouveau à chaque fois. Tantari, ouais. C'est ça, c'est nouveau. Tantari avec son âne Marion, c'est ça. Voilà, c'est ça. Écoutez, voilà. Noël est... Mais c'est le but aussi de renouveler les équipes et autres pour avoir de nouvelles idées, de... Nouvelles informations. C'est vrai, t'as raison. Bienvenue à vous si vous êtes sur Fadjet, c'est merci la matinale. Catherine. Merci Catherine, nous sommes le 25 décembre. On va écouter un premier titre ? Non. Ah, si, il faut quand même. Mais un peu de musique pour qu'on puisse l'entendre. Bah, tu me demandes. Bah oui, c'est Ariana Grande, Megan Stallion. Ça, c'est la spéciale pour Joss. Pour tiens, qu'on retrouvera d'ici quelques instants, qui parle parfaitement l'anglais. Bon réveil à tous, vous êtes sur Fadjet. Sur Fadjet. Joyeux Noël sur Fadjet. C'est toujours mignon les enfants, hein, ça fait plaisir. Joyeux Noël à vous qui nous rejoignez ce matin. La matinale un peu spéciale, c'est parce que c'est une matinale de Noël. Nous sommes le 25 décembre. On espère justement que vous avez pu fêter, réveillonner comme il se doit. En tout cas, on va espérer vous faire passer eh bien, un bon début de matinée. En tout cas, autour de la table, on a écouté Catherine et maintenant ça va être Lali. Oui. Oui, Olali. Olali va nous... Alors, attends, Olali. Ça va être un petit jingle. Toujours un petit jingle qui casse les oreilles. Olali a l'habitude de voyager, il faut le savoir. Et parfois, elle s'arrête le mercredi matin dans ses voyages pour nous parler. Elle s'arrête à Fadjet. Ah, trop chouette. Eh bah, bien, oui. Alors là, j'avais envie de vous parler de nourriture. Et Catherine nous a parlé de traditions... culinaire ou non, ouais, française. Moi, j'avais envie de vous parler de repas de Noël un peu partout dans le monde. Je ne sais pas, peut-être qu'hier, vous avez mangé du saumon, de la dinde, du foie gras, tout des coquilles Saint-Jacques, la bûche de Noël, je ne sais pas, quelque chose comme ça. Tout en même temps. Tout ça mixé. Et j'imagine que vous savez que les repas de Noël sont différents d'un continent à l'autre et reflètent des traditions et de la culture des habitants des différents pays. Et vu que, qu'a priori, notre tour du monde ne sera peut-être pas pour demain, je vous propose un tour du monde des traditions des repas de Noël les plus surprenants. D'accord. Alors, par exemple, au Mexique. Au Mexique, ils mangent, par exemple, de la dinde au chocolat. Le chocolat. J'aurais dit les Anglais, moi, je sais pas pourquoi. Mais... Alors, c'est la confiture. C'est bizarre aussi. Ouais, alors, nous, un petit coucou à tous les Anglais qui nous écoutent, ouais, peut-être à Nancy et en Lorraine. Nous, le chocolat, on l'aime à l'heure du dessert, sur nos bûches ou dans la dernière case du calendrier de l'Avent. Mais alors, sur la table de Noël des Mexicains, on découvrira la traditionnelle dinde accompagnée de mole, cette sauce au chocolat pimenté. Donc, oui, c'est pas le chocolat, oui, sucré qu'on connaît. Il est également possible de cuisiner au mole du poulet, du porc ou encore de la morue. Au mollet. Voilà. D'accord. Enfin, au mollet. C'est vrai, au mollet. Putain, on a des mains. Je veux dire, pourquoi cuisiner au mollet? Le mollet étant cette sauce au chocolat pimentée. Ah oui, d'accord. Excuse-moi. Voilà. C'est sympa de parler de morue à 8h du matin. Mais on va faire ça. On va les enchaîner de toute façon. Voilà. Au Japon, une autre tradition, 4 millions de familles mangeraient du poulet frit KFC la veille de Noël, le 24 décembre, ce qui les oblige à passer des commandes de repas jusqu'à 2 mois à l'avance. Historiquement, le Japon n'avait pas de tradition liée aux fêtes de Noël. Et dans les années 70, KFC en a profité en proposant son poulet frit comme nouvelle tradition culinaire adoptée pour les fêtes. Ah bon ? Un bon truc marketing. Le fried chicken de Noël est devenu une vraie tradition gastronomique pour les Japonais. Bah, ça va bien avec le Père Noël Coca-Cola. Complètement. Voilà, parce que normalement, il est vert à la base. Gros mouton. Enfin, son costume est vert normalement. On en a parlé ce matin. Non, mais c'est vrai, ça vous paraît bizarre, mais là-bas, c'est parce que Coca-Cola a repris le truc. Et là, ah oui, il est vert dans quoi? Dans les vraies traditions? Oui, dans les vraies traditions. Parce qu'il a démoisi. Il est rougifié maintenant. Alors, en Ukraine, tout à l'heure, Catherine nous disait qu'on ne fêtait pas Noël, on fêtait le Père Noël, on fêtait le Père Janvier. Et bien là, en Ukraine, on ne fête pas Noël le 24 décembre, mais on le fête le 6 janvier, au moment de l'épiphanie. Et ce ne sont pas moins de 12 plats différents qui se succèdent sur la table pour le grand repas. Parmi toutes ces préparations, la plus incontournable est peut-être le vareniki, sorte de ravioli qui peut être mangé sucré ou salé. On le farcit avec du fromage, de la confiture, du foie, des champignons, du chou, ou encore des graines de pavot. C'est ça. Exactement. C'est ça. Bon petit déj à ceux qui sont un peu barbouillés. Tu fais une boule comme ça. Je pense que tout le monde est en train de changer sa chaîne en disant c'est ça, mais c'est pas possible. Le café, il passe pas là, je comprends pas. Voilà, après on a la Nouvelle-Zélande, pays que j'ai eu la chance de visiter et qui est très très chouette. Et comme dans tout l'hémisphère sud, Noël rime avec soleil. Le 25 décembre, les familles se retrouvent au grand air dans les parcs, les jardins ou en bord de mer pour partager un immense barbecue dans une ambiance festive. Au menu, des saucisses, des grillades de viande ou de poisson, le tout servi avec des salades et des frites. Ça donne envie. Et en dessert, la Nouvelle-Zélande a sa tradition pour cet événement, le pavlova, qui est donc une meringue avec de la crème, la crème fouettée et des fruits frais qui vient d'Australie. Et justement, en Australie, si vous êtes invité à un dîner de Noël en Australie, il y a de fortes chances que vous puissiez goûter le traditionnel jambon glacé à l'orange et aux épices, ou à l'ananas et au miel. Voilà, des choses qui donnent très envie. Jambon glacé à l'orange et aux épices. Bah, voilà, ou à l'ananas et au miel. Ce plat est traditionnellement accompagné de pommes au four et d'une sauce aux canneberges. On a quand même l'impression qu'on prend tout des tas d'ingrédients qui ne vont pas ensemble et on se dit qu'est-ce qu'on peut faire, hein. Et on met tout ensemble et on mange, hein. C'est vraiment la fin de l'année surtout, hein, même sur les provisions. Exactement, frigo, les fonds. C'est la fin du mois, la fin de l'année, la fin de tout, il n'y a plus d'argent. C'est ça, voilà, coup, c'est il ça. Il faut faire avec, avec les restes. Donc moi, je voulais savoir autour de la table, quelles sont vos traditions, soit traditions culinaires de famille ou de je sais pas. Catherine a une tradition culinaire. Prends un micro, Catherine, voilà. Oui, alors chez nous, dans notre famille, on fait le fameux pâté lorrain. Ah oui, le fameux pâté lorrain, en fin de compte, qui est préparé 3 jours où la viande, c'est 2 sortes de viande qui sont coupées en morceaux, qui macèrent dans du vin blanc avec des clous de girofle, des carottes et tout. Et je me souviens, mon papa le préparait l'après-midi, Ouais. Et en fin de compte, ils cuisaient le temps qu'on aille à la messe. Ah et oui. Quand on revenait de la messe, on mangeait le pâté lorrain avec une salade. Eh ben, écoute, voilà. Moi, la tradition du pâté lorrain était plus sortie de boîte de nuit, en général. C'est vrai qu'après, ça peut être une tradition comme une autre. Hein. Mais moi, j'en avais une aussi. C'était, alors, c'est encore, ça me prête à sourire aussi. C'est l'empoisonnement. Ma mère m'avait fait un feuilleté à l'époque. Elle m'avait fait un feuilleté aux escargots. Oui, c'est ça, tradition. Elle m'empoisonne. Elle va encore m'empoisonner cette année, très certainement. Elle m'a sorti un vieux feuilleté aux escargots. Vous savez, on mange beaucoup les escargots à Noël. Et il était périmé, tout simplement. Je me suis transformé en escargot. J'étais vert. Et je m'en rappellerai toute ma vie. Je vais en parler encore dernièrement. Je pense que j'avais 15 ans. Donc maintenant, j'en ai 41. Donc voilà. Hein. Qu'est-ce que tu dis avant? Sur le dos. Oui, voilà, c'est pour ça que j'ai une coquille tous les jours et que je bave en permanence, évidemment. C'est pour ça. Joyeux Noël. Oui, ma Joss, tu veux dire quelque alors, chose? Portugal. Oui. Moi, je peux en dire quelque chose. Ouais. En Portugal, alors nous avons. Rapproche-toi un peu rapproche-toi du micro. Rapproche-toi du micro. N'aie pas peur du micro. Ouais. J'ai embrasse. Toujours peur du micro, c'est ce voilà. Que m'a dit François. Mais ne l'avale pas, qui me précise. Non, jamais, je ne dis pas n'avale pas. Voilà, c'est notre mardi, on a toujours des petits mots comme ça. Ça s'enchaîne. Enfin, ouais. Donc, au Portugal, il y a le Bolloré, hein, le gâteau, il y a la ravanade. Ouais. Mais qu'est-ce, ravanade, qu'est-ce qu'il y a dans le Bolloré? Le Bolloré, ben, c'est des fruits confits en particulier. Ah, oui. Il y a les ravanades, qui sont, c'est du pain perdu, ouais. Trempé dans du vin rouge ou trempé dans des œufs, comme on peut faire. Mmh. Et puis, il y a des repas bien gras. Oui, mais c'est ça, mais ça a l'air toujours un peu alors, gras quand c'est, même. Hein. C'est très gras. Ou alors, vous avez aussi le repas du soir qui ressemble un peu au pot-au-feu de chez nous. Mais il y a de la langue, il y a des différentes viandes qui sont... Ça, vous avez déjà mangé de la langue? La langue du cochon, ah, la saucisse flippant, qui était faite par ma belle-mère. Hein. Oui. Et c'est sympa. Bon, bah, écoutez, de bons souvenirs. Ça fait plein de mélanges comme ça. Je ne sais pas si on est en phase de, hein, avec le petit déjeuner en tout oui, cas. Non, mais il faut se préparer au déjeuner de, oui. du 25. Le déjeuner de Noël, c'est quand même. Et il y en a pour qui ça dure un peu autour de la table. C'est-à-dire qu'on ne fait pas seulement la veille, par exemple le 24, le 25 à midi, mais même le 25 au soir. Moi, ça dure 2 jours. 2 jours, toi, ça dure? Ton micro ouais. En famille, c'était en famille entre nous quatre. Ouais. Et après, à l'époque, on allait chez mamie. Ouais. Et le repas s'allongeait. Et en continuant, on faisait 2 repas bien lourds, bien gras, bien riches en graisses saturées. Tout ça. C'est comme ça, donc c'est pour ça qu'on juge. On dit en général que les fêtes de Noël, il faut un peu de temps derrière pour s'en remettre. Parfois, t'as pas le choix. Moi, j'ai une nièce qui est née le 26 et du coup, on enchaîne l'anniversaire le 26. Alors, parfois, c'est repas, parfois, c'est juste un goûter. Mais voilà, et c'est quand même. Ils lui font le coup du seul cadeau? Ben non, justement, comme ça, on fait le 26, comme ça, il y a le cadeau. Il y en a deux. 24, 25 et 26. Ça perd un peu de son charme quand même, là, pour la cadeaux. Pauvre, elle a une fois par an réuni sur 3 jours quelques cadeaux. Et après, plus rien. Pendant 12 mois. Ouais. Plus rien. Mais merci, Eulalie. Ouais. C'est tout. Avec plaisir, ouais, c'est tout. Super. On a voyagé. Joyeux Noël à tous, oui les amis, on ne cesse de vous le répéter. Nous sommes le 25 décembre, une matinale un peu spéciale avec nos chroniqueurs que vous avez l'occasion d'entendre toute l'année et votre animatrice préférée Aurélie qui va bien nous faire l'éphéméride du jour. Absolument pas, c'est Joss qui va nous faire un tour des planètes. Alors, il n'est pas bien réveillé. Je sais il pas. Est pas bien où est ma feuille? Alors, moi, je ne sais pas. C'est Joss. Ah, bah alors, c'est Joss. Oui, attends, ma Joss. Non, mais depuis le début, on entend bien qu'il n'est pas bien réveillé. On est où? On est quel jour? T'inquiète, on va aller faire un petit tour. Tu peux faire une sieste. Je fais une petite sieste. On s'occupe de tout. On s'occupe de tout. Alors, moi, je reviens du système solaire. Comme je vous ai dit, cette nuit, j'ai voyagé. Et j'avais surtout envie de vous faire profiter de ce fabuleux voyage. Ah bon? Je vais vous emmener faire la tournée des planètes. Alors, il faut savoir qu'en 2006, lors de l'Assemblée générale de l'Union astronomique internationale, les astronautes du monde entier se sont mis enfin d'accord. Leur définition repose sur 3 critères. Alors, les critères. Une planète est un orbite autour d'une étoile. Le Soleil est notre étoile. Les satellites qui ne tournent pas autour du Soleil, mais autour d'une planète, sont des lunes. Il y a le deuxième critère, une planète est ronde. Une planète est suffisamment grosse pour s'arrondir sur l'effet de son poids. Le troisième critère, une planète domine son orbite. Alors, on va faire un tour d'horizon sur le système solaire extérieur qui est le royaume des planètes géantes, Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune, et de leurs nombreux satellites. Vous avez aussi le système solaire intérieur qui est le domaine des planètes solides, comme Mercure, Vénus, Mars et la Terre. Dans l'ordre se rangent les planètes à partir du Soleil, Mercure, Vénus, la Terre, Mars, Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune. Et pour vous souvenir de l'ordre des planètes, je vais vous donner une petite phrase. Mon violoncelle tombe, mais je sauve une note. Et chaque première lettre de chaque mot, ça pourra vous faire retenir le suivi des planètes. Je vais vous parler de la mystérieuse Mercure. Alors Mercure a des températures qui grimpent à 430 degrés Celsius la nuit et descend à 170 degrés. Une surface tourmentée par ses cratères est difficile à croire qu'il n'existe pas de glace. Je vous parlais de Vénus, la planète voilée, qui se compose de 90% de dioxyde de carbone. Vénus offre un relief plutôt plat, un relief monotone. La Terre, oasis dans l'espace, la mince couche de gaz enveloppe la Terre, nous protège du vide et du froid de Mercure et de Vénus. Son champ magnétique sert de bouclier et protège les êtres vivants des radiations. La Lune a certainement contribué au développement de la vie sur la Terre, comme stabiliser l'axe de rotation qui empêche la Terre de basculer. Mon violoncelle. Vous avez vu tout ce que j'ai vu? Moi, je suis resté sur mon violoncelle. Mars, la planète rouge, car elle est rouillée, bien sûr, puisqu'elle est couverte d'une couche d'oxyde de fer. Ouais. Elle possède une atmosphère composée de dioxyde de carbone. On y trouve le plus haut volcan du système solaire de 27 km d'altitude. L'eau, bien sûr, ne peut exister car elle s'évaporerait tout de suite. Jupiter, la géante, la plus grosse du système solaire, une atmosphère toxique car il y a 80% d'hydrogène et 13% d'hélium. Une planète sans surface solide sur laquelle tu ne pourrais pas marcher. Saturne, la reine des anneaux. J'ai pas dit des agneaux. Oui, des j'ai anneaux. Peur. Oula, j'ai cru qu'on allait déraper. La plus belle du système solaire. Oui. Elle se compose d'hydrogène, d'hélium avec des traces de méthane. D'accord. C'est une géante liquide et métallique avec un noyau rocheux de la taille de la Terre. Uranus et Neptune, planètes jumelles, elles sont géantes mais non gazeuses. Uranus tourne comme un baril et sur Neptune, des vents de 2000 km/h peuvent être mesurés. C'est pour ça que je suis décoiffée ce matin. Des vents de 2000 km/h. 2000 km/h. C'est vrai que ça décoiffe quand même un peu. Je sais que ça décoiffe. C'est-à-dire que là, c'est un peu de travers. Pluton, la planète noire, monte de glace et de roche. Les quatre plus gros satellites galiléens de Jupiter. Il y a Io. Alors, la prononciation, Io, on va dire Io. D'accord, ça s'appelle la pizza toute garnie. Vous avez aussi l'Europe, la lune glacée. Callisto, un monde de roches et de glace. Et Ganymède, la plus grosse lune. Les comètes, les fossiles de l'époque, boules de neige grosses comme une montagne couverte de poussière. Lorsqu'elles s'approchent du soleil, la glace s'échauffe et produit un vaste nuage de gaz et de poussière. On ne peut pas prévoir leur retour comme la comète d'Halley qui a été vue la première fois en 1682. Alors maintenant, si vous avez envie de découvrir de votre petite maison, de votre petite chambre, regardez les planètes. Mais et surtout, protégez notre Terre. Ben c'est bien, c'est un beau message, ma Joss, en ce 25 décembre. Mais je suis resté sur mon violoncelle. Et c'était quoi la suite déjà? Mon violoncelle, t'as dit pour qu'on s'en rappelle. Bah, je te fais toujours revenir en arrière, c'est comme ça, tu sais très bien, c'est pour travailler ta mémoire. Tu le sais, Maja, tu le sais qu'on fait ça toute l'année. Tu dois le bah faire. Oui, mais c'est le 25, là. Tu le sais, tu me l'as je dit. Je sors d'un et t'as voyage. De la chance, t'es pas fait travailler l'anglais ce matin encore. Hein. Merci à toi, en tout cas, Maja, qui a toujours des chroniques un petit peu planétaires, on va les dire. On va les dire lunaire. Lunaire. On en est où, Aurélie? Je te laisse faire. Ça y est, là, on l'a perdu, je crois. On l'a perdu. Je te laisse faire, c'est l'éphéméride, là, on est d'accord. Oui, ça y est, enfin. Attends, je vais quand même lancer un petit jingle. Joyeux Noël sur Fadjet. Oui, joyeux Noël. On va faire l'éphéméride parce qu'il va nous faire le coup de la mer noire. La mer noire. Mer noire. Bah, je sais pas si c'est une référence pour tout le monde, non, mais c'était dans question pour un champion, c'est un peu mieux. C'est la mer noire. Voilà. On dit toujours la même chose, puis le moment où c'est la bonne réponse, eh ben, il ne le dit pas. Fais attention, Rolly, il y a beaucoup de jeunes autour de la table. Oui, je sais, je m'en suis rendu compte en le disant, en fait, que ce n'était pas forcément intemporel, ce que je disais, la référence. Donc, éphéméride, oui. Bah oui, en ce 25 décembre. Eh bien, éphéméride de Noël sous forme de jeu, est-ce que ça vous va? Bah ouais, carrément. Alors, attention, allez, je me prépare. On se prépare chaud, là, également. Donc, on se prépare ici, à Fadjet, on se prépare à la maison. Vous pouvez mettre, hein, si vous avez un petit piou-piou, quelque chose. On peut faire des buzz de bruit. Voilà. Hein, on peut faire chacun son bruit. Vous poussez les tasses de café au cas où, hein, si vous énervez un petit peu pour répondre. Bon. Si vous jouez ensemble, appelez ceux qui sont peut-être encore en train de dormir. Il y aura encore un blind test tout à l'heure, donc on va essayer de jouer. Donc en ce 25 décembre, on va souhaiter des fêtes, des anniversaires, et on va essayer de vous les faire découvrir avec un petit peu de musique. Alors attends, il faut que j'envoie la séquence avant. Alors on souhaite bien évidemment une joyeuse fête au Noël et au Noëlla, bien sûr. Joyeuse, allez-y, joyeuse fête. Voilà, merci. Oh. C'est vrai qu'on pense pas qu'il y ait des gens qui s'appellent Noël en fait. Hein, bah oui, Noël et encore moins Noëlla. Noëlla encore moins, c'est sûr. Et donc, premier anniversaire, allons-nous découvrir. Je crois qu'on n'a pas la référence. On est trop jeune là, Aurélie. C'est quoi ça? Là, c'est dur. C'est impossible à trouver pour vous. Son prénom est autour de la table. François. Voilà, et la suite. François Zimmermann. Il s'appelait juste François. Il s'appelle François. Feldman. Ah ouais. Pour... Non. Qui? Vous voulez qu'on le repasse? Tiens, bah oui, bah on va le refaire. Emmanuel comme un soleil. Joss. François Valéry. Très bien, Joss. François Valéry, c'est ça, Aurélie. Qui est né donc un 25 décembre. Oh. Et donc, voilà, est-ce que vous savez la tête qu'a François Valéry? Oui. Googleisez-le. Oui. Botoxé. Ah bon? Botoxé. Oh, à l'époque, il était pas mal. Hein, quand même. Ouais, c'est vrai. Oui, je confirme. Il avait du beau mèche à l'époque. T'es beau gars, hein. Ouais, d'accord. Oui. Okay. Autre personnalité musicale née un 25 décembre. Alors. Désolée pour vous les jeunes, elle est née en 1954. C'est un indice. Je suis sûre que les auditeurs de Fat Jet ont connu. On connaît le son automatiquement. Chanteuse britannique. Ah, comment on peut leur donner des Qui indices fait partie d'un groupe. Oui. On va dire que le groupe, ça commence par quelque chose qui compose plusieurs pays autour de nous, et la suite, quelque chose qui est un peu la base de la musique. Regarde tous les points d'interrogation qui sont autour de la table. Vous verriez leur tête. Je ne sais pas si c'est la dinde d'hier soir qui est mal passée ou si c'est la problématique. Alors, si elle aime les sucettes normalement. Oui, enfin, pas la même. Non, mais c'est pas ça. Mais c'est pas la même. C'est pas la même. Alors, si je vous dis Eurythmics. Mais c'est... Voilà. Ok. Bon, on va donner la réponse. Groupe, ouais, Annie, Lennox. Annie Lennox. Joyeux anniversaire à Annie Lennox. Bah oui. Et d'ailleurs, l'annonce de sa mort avait fait l'objet d'une fake news. Et voilà, malgré... donc, c'est Internet, attention. Née également un 25 décembre, c'était en 1948. Un ancien journaliste de France 2... désormais homme politique. Ça peut être facile, là. Et je vous donne un autre indice après. Vas-y. Bonjour à tous, mais tout d'abord, détaillons l'actualité nationale et internationale de ce matin. C'est vrai qu'on ne le reconnaît pas. Moi aussi. Alors, un autre indice, c'est qu'il fête à la fois son anniversaire et sa fête. Et ça peut être une insulte. Noël. Du coup, il s'appelle Noël, mais... 48. Noël. Noël. Un homme politique, alors on se souvient éventuellement... Le groupe de Joe Star. Noël que je connais, c'est Noël ma mère. Voilà. Bonne réponse. Noël ta mère. Bravo David. Lui donne des indices. Moi, je ne sais plus quoi faire comme indice, mec, à un moment donné, on va vous donner les résultats. Noël ma mère, il a un nom. Deux autres journalistes également nés un 25 décembre. En 1947, il y avait Philippe Meyer et en 1933, François Declauzet, mais évidemment, personne ne connaît ici. Non, bien sûr. Mais là, on parle aussi, il faut parler à toutes les générations un petit peu. Alors, des événements clés, peut-être historiques. Baptême de Clovis. Ça parle à toutes les générations. 25 décembre, en quelle année? Vous avez bien révisé? 498. Ah bah bien, Valentin. On a un intello dans la... Pas mal, hein, quand même. C'est 498, j'ai dit 487. Oui, bah t'as deux ans près. T'as deux ans près pour François. Moi, je t'aurais tapé un petit 1640, hein, quand même. Également, il va falloir trouver quelqu'un qui a été couronné empereur avec un indice. Attends, oui. Alors l'indice, il ne peut pas être mieux, là. On peut pas faire mieux. Bah, j'ai fait facile, puisque personne ne trouve, oui, sinon. C'est ça. Donc, Charlemagne. Bravo, les enfants. Bravo. En 800, voilà. Bravo, en Valentin. 800, mais Valentin, tu connais 25 décembre, 800. C'est incroyable, hein, moi j'aurais dit en 1999, Charlemagne. Un autre empereur, juste pour l'information, comme ça vous pourrez faire les malins à ce repas de midi à Noël. Il y a également l'empereur japonais Hirohito qui est monté sur le trône un 25 décembre, c'était en 1926. Également des disparitions en ce jour de Noël. Charlie Chaplin, c'est en 1977. Le peintre également Juan Miró en 1983. Dean Martin, l'acteur américain, c'était en 1995. James Brown, également rendu célèbre pour sa voix, c'était en 2006. On écoute un extrait. Un petit wow, I feel good. I feel good. Attention. So good. Attention François Mix. De toute façon j'étais au platine hier soir, toute la soirée. Allez, pour terminer cette éphéméride de ce 25 décembre, une autre disparition beaucoup plus récente, indice sonore. George Michael. Hey, bravo. Bravo Galon. C'était en 2016. Déjà j'aurais dit que c'était plus récent. Ouais, mais déjà. J'aurais bien voulu l'écouter, là, non ? Mais en fait, je pense qu'à chaque émission de Noël, on doit écouter Wham avec Last Christmas. Au moins trois fois par émission. Est-ce qu'il, est-ce qu'il est derrière Maria Carey ? Ça, je sais pas. Sur le podium. sur le podium. Sur le podium des chansons les plus écoutées. Je ne sais pas si c'était derrière Maria Carey dans la vie, mais en tout cas, sur le podium, je pense. Il y a quoi d'autre ? Non, bah écoutez, c'est à cause d'Aurélie. Hein. Mais pas c'est du tout à chaque fois. Mais c'est toi qui dis des bêtises. Bah n'importe quoi. Bon, on écoute. Oui, c'est éphémère terminé, on va. Bah, c'était bien, hein ? Vous avez aimé ? Oui, voilà, mais allez. Moi aussi, j'ai quelqu'un de connu. Ben, Joss ? Le 25 décembre 1905, ma grand-mère. Ah, et ben voilà. Joyeux anniversaire. Et ben, joyeux anniversaire à ta grand-mère. Les amis chats. Ben oui, je m'en doutais, mais bon, tu nous lances trop tard, il l'avait dit. Tu veux en 1905. Tu veux que je fasse ? Et encore, ça serait possible qu'il ait 125, 20, 20, tout à 115 fait. Ans. 115 non, François, ans. Bon. Ne cherche pas. Quel est ? Trouvez-moi le doyen du monde. Allez, envoie un jingle. Allez, un jingle. Mets-toi en temps. J'ai tout mis en même temps, les amis. Allez, on va écouter un peu de musique. Ouais. Allez, on va se souhaiter une bonne santé, notamment c'est un peu le titre à du ceux moment. Qui n'ont pas forcément pu fêter ça en famille. On pense aussi à tous ceux. En tout cas, on souhaite un joyeux Noël à tous ceux qui l'ont souhaité comme ils le souhaitaient, et aussi à tous ceux qui n'ont pas forcément eu le choix et l'ont peut-être souhaité seul. En tout cas, on essaye chaque année sur Fadjet de vous accompagner le 24 au soir et donc le 25 au matin aussi sur ces journées pour avoir un peu de convivialité, un peu de festivité, un peu de bonne humeur. Et donc, c'est Stromae qui va nous accompagner, c'est ça, François ? Oui, c'est ça. À ceux qui n'en ont pas. À ceux qui n'en ont pas, Rosa, Rosa, quand on fout le bordel, tu nettoies. Et toi, Albert, quand on trinque, tu ramasses les verres. Céline, Bater, toi tu te prends des vestes aux vestiaires. Arlette, arrête, toi la fête, tu la passes aux toilettes. Et si on célébrait ceux qui ne célèbrent pas? Pour une fois, j'aimerais lever mon verre à ceux qui n'en ont pas, à ceux qui n'en ont pas. Quoi les bonnes manières ? Pourquoi je ferais semblant ? De toute façon, on est payé pour le faire. Tu te prends pour ma mère ? Dans une heure je reviens, que ce soit propre, qu'on puisse y manger par terre. Trois heures que j'attends, franchement, il est fabrique ou quoi? Heureusement que c'est que de faire, appelle-moi ton responsable. Et fais vite, elle pourrait se finir comme ça, ta carrière. Oui, célébrons ceux qui ne célèbrent pas. Encore une fois, j'aimerais lever mon verre à ceux qui n'en ont pas, à ceux qui n'en ont pas. Frottez, frottez, mieux vaut le le passy, frotter, frotter. Si tu ne me connais pas, brosser, brosser. Tu pourras toujours te brosser, brosser. Si tu ne me respectes pas, oui, célébrons ceux qui ne célèbrent pas. Encore une fois, j'aimerais lever mon verre à ceux qui n'en ont pas, à ceux qui n'en ont pas. Pilote d'avion ou infirmière, chauffeur de camion, hôtesse de l'air, boulanger ou marin pêcheur, un verre aux champions des pires horaires, aux jeunes parents bercés par les peurs, aux insomniaques de profession, et tous ceux qui souffrent de peine de cœur, qui n'ont pas le cœur aux célébrations. Qui n'ont pas le cœur aux célébrations. Stromae ce matin avec son titre Santé, évidemment qu'on vous souhaite une santé en ce 25 décembre. Joyeux Noël sur Fadjet. Je vais changer un peu avec les jingles quand même des enfants. Les amis, bienvenue à vous, à ceux qui nous rejoignent. La matinale de Noël, on y est bien, non? Je pense qu'on y est bien ce matin. En tout cas, on est très heureux de vous accueillir sur Fadjet en ce 25 décembre. On continue, on trottine dans notre conducteur de Noël et on va laisser la parole. Alors, tout au long de l'année, elle n'a pas que des choses très drôles quand même, toujours Delphine. C'est pas vrai. Non, elle aime bien c'est l'horreur. Non, t'aimes bien l'horreur. C'est vrai que t'aimes c'était bien l'horreur. C'était pour Halloween. Mais c'était bien pour le Halloween. Côté sombre de c'est Noël ça. De temps mais ça diversifie. C'est vrai que ça diversifie. Alors là, elle va nous parler de légendes un peu étranges, c'est ça? Oui, je vais parler d'un personnage. Donc, comme tu dis, l'équipe du mardi avec qui je fais la matinale connaît ma passion mardi, pour les trucs glauques et effrayants. Oui, c'est ça. Et évidemment, je me devais d'amener ma petite touche et d'assombrir l'esprit de Noël qui règne chez Radio Fadjet. C'est pour ça que je vais vous parler d'un personnage assez particulier et pas très sympathique. Non. On connaît tous ce gentil Père Noël. En Lorraine, on est aussi très familier avec Saint-Nicolas et aussi le Père Fouettard. Mais est-ce que vous connaissez Krampus? Ben non. Est-ce qu'il vous a déjà traumatisé? Krampus. On apprend des choses hein, ce matin. Krampus. C'est un mec qui a des crampes en permanence. Ah voilà. Absolument pas. C'est ce que j'allais dire. Il y a des crampes. Il y a eu le campus à un moment donné qui a pu m'effrayer. Il y a un R qui s'est rajouté dedans. C'est, mais... c'est des crampes au campus. Je vois, je sais pas, un petit personnage un peu. Un lutin un peu horrible comme ça. Non, c'est pas ça? Absolument pas. D'accord, je sais pas. Avec le visage noir, elle est trace. Blanche, non plus. Non, c'est blanc. Le Joker. Je sais pas, on ne sait pas. Donc tu vas nous lire, je pense. Oui, alors Krampus. Non. Est... non, je m'arrête. Je vous laisse avec ça, démerdez-vous. Voilà. Krampus, c'est une légende qui nous vient de nos voisins, les Allemands. Ouais. Donc j'invite d'ailleurs quiconque parlant un peu allemand à corriger ma prononciation lors de cette chronique parce que je suis de la team anglais-espagnol, oui. Donc ça risque d'être pas terrible. Ah, il y a Catherine. Est-ce que ça serait pas Krampus? Krampus, non. Je ne sais pas. Mais Krampus vient du mot Krampen. Est-ce que je l'ai bien dit? Bah, Catherine, je sais pas. Oui. Catherine, bon, Catherine valide. Catherine valide allemand. Donc ça veut dire griffe et c'est le fils de Hel dans la mythologie nordique. Et dans la même lignée que les faunes ou les satyres de la mythologie grecque, notre cher ami est une créature mi-démon, mi-chèvre, donc on a bien respecté l'imagerie de Satan. Donc c'est pas du tout un petit lutin, c'est beaucoup c'est plus gros et grand. C'est une tête de chèvre et un corps de c'est diable. Un peu ça, ouais, avec des sabots, tout ça. Sympa. Il ressemble un peu à Satan, quoi. Oui, c'est ça. Oui. Et il fait son apparition la veille du 6 décembre pour la Krampusnacht. Snacht. Snart. Ça se dit comment? Snart. Snart. La nuit de la crampe. Enfin. Ouais. Oh, excusez-moi. Là, on mais non, mais attendez. Excusez-moi, hein, je ne sais pas. Ouais, bah c'est je, des sportifs peut-être. Je ne la retenterai pas. Mais oui, il vient préparer le terrain pour la Saint-Nicolas, en fait. Ouais. Et clairement, à côté du Père Fouettard, lui, il peut aller se rhabiller, parce que Krampus, il est plus radical. Il frappe les enfants pour les forcer à être sages. Parce que lui, en plus de ses cornes et de ses crocs, lui aussi a un fouet qu'il fait claquer sur la peau des enfants qui n'ont pas été sages et il leur offre un petit voyage dans le bas monde aussi par la même occasion. Bah un peu comme le Père Fouettard en fait. Ouais, c'est un peu l'équivalent. C'est vrai que le Père Fouettard il fait la même chose avec des baguettes de bois, il nous faisait peur c'est quand ça, on était gamin. Le Père Fouettard, il a. Enfin, Saint-Nicolas, le Père Fouettard, le Père Noël à Krampus. Moi, quand j'étais gamin, c'était nous, les gamins du village, qui frappions le Père Fouettard. Bah oui, c'est ça. Alors, c'est... Non, mais c'est vrai que souvent, autre chose, souvent il y avait ça, nous aussi. Le Père Fouettard ne voulait plus être Père Fouettard. Chaque année, ils en changeaient parce que c'était une catastrophe. On lui balançait des fumigènes, des bisons. Alors, on faisait dégommer chaque année. Franchement, il subit, quoi. Ah oui, le pauvre. Mais en tout cas, pour Krampus, si jamais il rôde dans le coin, vous le saurez grâce au bruit des chaînes qu'il emporte avec lui et des cloches qu'il fait tinter avec force. Mais dans certains pays, vous le saurez aussi à l'odeur d'alcool, car en Autriche, Allemagne, Hongrie, presque, et en Slovénie et République tchèque, vous pourrez vous faire courser dans les rues par des hommes ivres déguisés en Krampus. Donc en gros, ils ont un masque en bois, une peau de mouton et des cornes. Lors du Krampuslauf. Oui, personne. L'allemand valide pas beaucoup en règle générale. Hein. C'est souvent du LV2 pour tout le monde. Catherine, LV3, c'est souvent du LV2 ou du LV3 pour tout le monde, donc on n'est pas bien. Oui, Catherine, tu valides l'allemand ou pas? Krampuslauf. Ah, ben bah voilà, enfin quelque chose. Ça va. Et ça se traduit littéralement par pluie de Krampus. Donc voilà, il y a une pluie de Krampus dans les rues qui sont des hommes ivres. Une tradition somme toute familiale. Bah, tu vas sur mon parking à côté de chez moi, c'est la même chose. Ça, la gare, il y a beaucoup de Krampus dans les rues, en fait. Il y en a beaucoup. Et le personnage s'est aussi exporté outre-mer, d'accord, comme aux États-Unis, qui trouve en Krampus une manière différente et originale de fêter Noël. Évidemment, on le retrouve aussi pas mal dans la pop culture, avec notamment un épisode de la série American Dad, pour ceux qui connaissent, qui lui est consacré, mais aussi son propre film d'horreur en 2015. Et j'allais oublier, mais il y a aussi des montagnes russes aquatiques depuis peu à Nigloland qui ont l'air assez sympas et qui portent son nom. Ah bon ? Il a ses montagnes russes à lui-même, ouais. Bon, bah écoute, Krampus. Oui, mais du coup, oui, sans grande surprise, ça devient aussi pas mal un objet commercial, surtout en Autriche, avec des chocolats, figurines et cornes en plastique. Donc bon, ça fait un peu polémique. Donc voilà, je vous laisse découvrir Krampus, aller le chercher sur Google avec son visage très sympathique et peut-être qu'il rejoindra votre foyer en ce Noël 2021. Il n'y a pas eu de série autour de Krampus, de série de Noël? J'en ai pas trouvé, non, en tout cas. Il a dû apparaître dans des séries, mais... On peut en créer une sur Netflix, on contacte Netflix. Possible, possible. Merci Delphine. Merci mais de rien. Pour cette légende autour de Krampus. Joyeux Noël à tous sur Radio Fadjet. Je n'ai que des voix d'enfants en stock, c'est pas possible. Bienvenue à vous les amis. Allez, en petite transition, on est toujours sur Noël, évidemment. Oui, et là c'est alors un peu plus joyeux. Vous avez ouvert vos cadeaux sur la autour de la table? Oui, est-ce que vous avez dites-le dans le micro, parce que le nom c'est pas très radiophonique. Non, des cadeaux. Non, vous n'avez pas encore. Alors il y a les teams, il y a différentes teams. Il y a la team du 24 décembre et il y a la team du 25 à midi. Donc vous, c'est laquelle? Alors moi, mon plus beau cadeau, c'est d'être avec mes enfants. Très bien, voilà. Moi, t'aimerais bien quand même un petit cadeau, non? Non, mais l'ouverture des cadeaux, en général, vous les ouvrez quand? Le soir ou le lendemain? Non, le lendemain. Ah, le lendemain? Ah, le 25. Ben nous, on l'ouvre, c'est le soir. Non, non, nous, on fait les deux. Depuis que j'ai passé 15 ans, je crois. C'est vrai, moi, c'était le soir, en fait, qu'on ouvrait les cadeaux. Bah moi, c'est les deux parce qu'on faisait souvent le 24 chez certains grands-parents, le 25 chez les autres. Du coup, tu avais les cadeaux le 24 et le 25. Oui, c'est quand pour ceux qui font vraiment droit. Certains qui sont un peu loin et si tu changes de département ou autre. Comme dit Catherine, mais quand on nous, chez nous, enfin chez nous, parce qu'on se sent peut-être plus du côté alsacien, c'est vrai que c'était plutôt le lendemain. C'est le lendemain. On se levait et... les yeux à peine ouverts, comme ce matin. Je parlais plus autour des enfants, effectivement, c'était peut-être plus le lendemain. En tout cas, on a certainement eu les... pire cadeau peut-être. Moi, j'ai pas souvenir de ça, moi. J'ai toujours eu des cadeaux, j'étais content. Réfléchissez bien aussi peut-être à un pire cadeau ensuite. Bah, et on en parle juste après Valentin qui va nous faire un top. Oui, c'est ça, il y en aura 5. Alors, vous savez, Noël, cette douce période de joie, de bonheur, après Krampus, c'est un peu plus joyeux, d'amour de son prochain, de plats riches en graisse saturée, de cadeaux pourris. Chaque année, des drames se jouent au pied du sapin. Je vous propose de vous présenter les pires cadeaux que des personnes en France ont reçu à Noël. J'ai trouvé comme source citycrunch.fr, vous pourrez regarder ce site qui est pas mal, où j'ai répertorié, on va dire, 5 pires cadeaux. On commence par le premier, la carte McDonald's. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors, on a tous, évidemment, vous ne me direz pas le contraire, succombé à un menu McDonald's. C'est pas trop top pour la santé, mais on adore y aller ou commander sur Uber notre bon vieil ami lorsqu'on n'a vraiment pas envie de cuisiner. Une internaute tacite avoir reçu de la part de son frère, donc ça se passe en 2015, une carte de fidélité McDo à son nom. Je ne pense pas que celui a coûté les yeux de la tête. Problème, et c'est là que le drame s'est joué, c'est qu'il n'y avait que 30 centimes dessus, de quoi avoir la possibilité... T'as une paille, quoi. Donc voilà, et de quoi avoir la possibilité de boire quelques gouttes de l'eau de McDonald's, c'est vraiment touchant. C'est un cadeau de pince, un peu, ça, quand même. Hein. À 30 centimes la carte. C'est vrai, je crois qu'il y avait un conflit entre eux. Il y avait un truc. Je crois. Il y avait un compte à régler. Hein. Ouais. Deuxième cadeau. Alors, on a tous connu ce phénomène inexplicable, peut-être tiré tout droit de la physique quantique. Pourquoi on ne trouve pas toujours sa paire de chaussettes, qu'elles disparaissent sans aucune raison? Moi, en tout cas, ça m'est déjà arrivé. Ce deuxième cadeau, je l'ai personnellement reçu en 2012 par une connaissance, et c'est vrai de vrai. C'était un super dîner, un gambas flambé au whisky. Attention avec l'abus d'alcool, ah oui. Quand même, le 25 et le 24. On dansait sur la Macarena, la danse des canards, etc. Et à 23h, pile, vient le moment des cadeaux. Je déballe et je découvre, écoutez bien, c'est vraiment pour de vrai, trois paires de chaussettes Kiabi noires et colorées de taille 39-43. Bah, je m'attendais à mieux, hein, pour rien de vous. Bah, c'est vrai que bon, c'est un peu. Mais c'est toujours mieux que. Au moins, ça peut servir, parce que moi, je les perds souvent. Donc, au moins, c'est utile. Ça me fait trois paires en plus. On a toujours eu les grands-parents qui nous ont dit oui, moi, j'ai eu des oranges et des cailloux. Noël, t'as déjà eu des chaussettes à Noël aussi? Bah, moi aussi. Mais rigolote. Même pas, moi. Tu sais, ça faisait partie des cadeaux où, quand tu étais trop à table, tu savais pas quoi offrir aux uns aux autres. C'était chaussettes, chocolat. Moi, c'était des belles chaussettes. Le parfum Scorpio. Scorpio, tu t'achètes un Cora. Le déo, enfin voilà. Le troisième, Valentin. Ouais. Le quoi? Oh là, le dentifrice, c'est pas bon. Ah bah alors, ça c'est un signe. Hein, comme ça. Du déo, c'est un message. Alors, non mais le parfum, le boîtier de parfum, là, on a tous. Enfin, les mecs, plus, coffret, on a toujours eu ce truc, le coffret là. Quoi. Si, ouais, alors, la gamine aussi. Hein. Troisième cadeau. Ça tombe bien parce qu'on va rester dans l'hygiène. Sarah H nous dit: une année, ma cousine et moi, nous avons eu de la part de notre grand-mère un gant de toilette. Sacré mamie, le gant de toilette peut s'avérer très utile pour se laver. En revanche, franchement, je vais pas vous le cacher, je préférais encore la carte McDo. Hein. C'était encore un gant de toilette. Oui. Gant de toilette. Savonnette. Quatrième cadeau. Quatrième cadeau. Alors là, vous savez, hier soir, on a bien mangé. Ce matin, ou ce midi, on va pas. Ce matin, peut-être pas. Mais ce midi, on va peut-être encore manger. Ouais. Pour ceux qui vont fêter le 25, en tout cas. Moi, c'est. Voilà, chaque année, je mange beaucoup. Et donc, Chloé MSLD nous dit un réveillon de Noël spécial. Tout s'est déroulé le 24 décembre 2017. On avait super bien dîné, un foie gras d'exception, un champagne excellent, une dinde exceptionnelle et le bûche délicate. Et à la fin du repas, devinez quoi, ma grand-mère m'a offert un pèse-personne digital. Voilà, c'est difficile, hein, surtout quand vous savez que son copain a une PS4. Oui, hein. C'est ça. Donc, c'est le charme de Noël. Hein. Voilà, c'est ça. C'est pour surveiller son poids. C'est délicat. Cinquième cadeau. Le dernier, alors ça, c'est bien quand on veut s'ambiancer dans les WC. Attends, on remet les trucs pour s'ambiancer dans les WC. Ah oui, je vais vous expliquer. Quoi, là, déjà, Valentin, moi, je parle de quoi, là? Nicolas S. Nous dit, en 2016, qui a déjà été se marier au WC? Eh bien, ça existe. À moi, si d'avoir un sérieux problème mental, je n'ai jamais eu l'occasion de me marrer au WC après une blague. Oncle Beauf, écoutez bien, cet homme raconte que par l'oncle de sa femme lui a offert un super livre, The Blague, pourri quoi, qu'on utilise dans les WC, parce qu'il est prof d'histoire géo. D'accord. Voilà. C'est sa femme qui lui a offert un bouquin. Non, c'est l'oncle de sa femme. Voilà. L'oncle de sa femme. J'ai déjà offert ce cadeau-là. C'est vrai qu'on a. C'est pas vrai, c'est vrai. Mais t'as des petits jeux. T'as des jeux pour les toilettes aussi, t'as des mini-golf pour toilettes. Ah, c'est bien. Des mini-golf? Mais attends, les mecs, ils font un 18 trop long. Ils visent. C'est pas possible, ça. Non, mais les petits jeux. Oui, c'est dans les trucs insolites. Ça, ouais. Vous avez des petits jeux aux toilettes, mais non, vous? Mais c'est livre, quoi, c'est le quoi, livre ça de, tu sais, je sais pas, de trucs insolites. Oui, alors ça, c'est ça, voilà, des petits. Voilà. Ou là, des livres de blagues. Bon, à la limite, si on faisait le classement des trucs les plus pourris, là. Je pense que le plus malaisant pour moi, étant donné que je suis quand même quelqu'un qui mange beaucoup à toilette, je pense que le best personne, c'est quand même. Et le gant de toilette aussi, c'est quand même malaisant. Le gant de toilette. Et c'est surtout le regard que tu peux avoir un peu comme ouais, ça compatissant. Quand tu déballes et que tu découvres un gant de toilette de Cora, c'est un peu décevant. Quoi. Merci Valentin pour ces cadeaux les plus pourris. Oui, on veut. Alors, faire un petit sondage. Il y en avait certains qui avaient des cadeaux Delphine. Bien pourris. Alors, on a Delphine d'abord. Alors, désolé tonton si tu écoutes. Mais, c'est toujours tonton. Hein, c'est toujours les oncles. Une année, il m'a offert les ceintures où tu pouvais écrire un message dessus. Mais j'étais très jeune et c'était le genre de ceinture déjà beaucoup trop grande pour moi que tu mettais dans les discothèques avec ton numéro de téléphone qui défile. Ça clignotait? tu pouvais écrire un message que tu voulais dessus et ça diffusait le message. Et je m'en suis servi le jour même en rigolant avec ma sœur, en mettant des messages nuls, genre haha, papa, mais est-ce moustache, elle est moche. Ça partait d'un bon sentiment. Oui, c'était rigolo, mais déjà la ceinture. J'ai toujours peur des cadeaux de tonton. Quand c'est mon nom, je sais pas. J'ai toujours peur. Tonton, il a toujours un petit peu des attitudes particulières. D'autres cadeaux ? Vous avez Catherine ? Catherine, des cadeaux ? Oui, alors mon pire cadeau de Noël, j'avais l'âge de 6 ans. Et donc, le matin, avec mes sœurs, on se lève, avec mon frère, on se lève, on prend les cadeaux. Et on avait le droit, ce jour-là, uniquement ce jour-là, d'aller dans la chambre de nos parents pour les réveiller et ouvrir nos cadeaux sur leur lit. Et je me suis tenue au bout du lit. Et là, mes parents me regardent et me font « Et toi, qu'est-ce que tu as eu ?» Et j'ai regardé, j'ai dit « Rien. » Le Père Noël ne m'avait rien amené. Il m'avait carrément oublié. Donc, ça a été le grand blanc dans la chambre. Mes parents se sont regardés. Et là, mon frère, il dit « Non, c'est pas possible. Viens, on va chercher. » Donc, il y avait un grand appartement. Et le temps que mon frère, on cherche un petit peu partout, mes parents avaient oublié de sortir les cadeaux. Oui, mais ils étaient quand même là. Ouais. Ah, heureusement. Oui, mais bon. Ouais, mais le Père Noël, ils avaient oublié les donner au Père Noël pour qu'il les mette au pied du sapin. Donc, ça a été le... On peut faire passer ça sous le coup. Je m'en souviens encore. Le grand blanc. Ah, ça t'a marqué. On sent la frustration. Ouais, oui, complètement. Elle avait besoin d'en parler. Ça fait du bien, quoi. Moi, j'ai pas de gros souvenirs de cadeaux pourris. T'en as, toi ? Pas spécialement. Après, il y a des cadeaux que bon, tu te sers pas, quoi. Voilà, qui sont pas forcément. Mais après, à Noël, et notamment une fois qu'on est adulte, on n'est plus forcément. Les gens ont à peu près tout, et on essaye d'aller sur quelque chose qui va être justement un petit peu soit insolite, soit un peu différent pour. Ou le passe-partout, c'est la carte cadeau, quoi. Comme ça, tu t'étais. Oui, mais c'est comme les box. Alors, moi, je peux dire le pire cadeau pour mes parents, c'est que ça fait des années que on leur offre des box, des choses comme ils ça. Ils vont pas. Et que, récemment, j'y suis allée, ils avaient une pile. Tu peux vérifier. Donc, il y en a certaines qui sont périmées. Mais voilà. Donc là, j'ai passé le message à tout le monde. Plus de box, plus de box dans la famille pour les parents. On a essayé d'en cumuler. On a réussi. Il y en a certaines qui sont foutues. Et parce que voilà, ils sont pas en plus à les regarder sur internet. Enfin, c'est toujours un peu une galère. Mais c'est vrai que c'est une galère, les box. Je pense que c'est un gros business, mais personne ne les utilise. Ouais, moi, ça m'est déjà arrivé d'en faire d'en périmer une. C'est un an, je crois, en plus. J'oublie, C'est un an. Allez, les amis, on poursuit cette matinale avec un peu de musique. On va écouter Ed Sheeran et Elton John. Et comme on dit, Joss, en anglais, joyeux Noël, s'il te plaît. Attention, interrogation écrite. Attention. Tu as Delphine, ta prof d'anglais, qui est là. À partir de janvier, elle m'a promis de donner des cours en direct. Très bien. Bon, ça fait quand même 3 ans qu'on essaye. Et la question, donc... la réponse. Mais sur les 3 ans, on a eu 2 années de Covid. C'est vrai, c'est vrai. Et alors, comment on dit joyeux Noël, Joss ? En anglais, pas en. Soufflez-lui, soufflez-lui. Merry Christmas. Merry Christmas. Bravo. Très bien. T'as une voix grave. Allez, on va écouter ça. Ed Sheeran, Elton John. Joyeux Noël. Fill a glass and maybe come and sing with me. So kiss me under the mistletoe. c'était Ed Sheeran ce matin avec Elton John sur Fadjet. Fadjet 94.2. C'est plus qu'une radio. Je savais pas qu'il a fait aussi un duo avec avec Ed Sheeran. Les oui, amis, ils sont très potes maintenant. Ils sont potos. Ah bah oui. Ils sont potos. Bah, Elton John. Ils se sont offerts un. Alors je sais plus. Je crois que c'est Elton John qui a offert à Ed Sheeran un super cadeau. Ah bon. Je vais pas trop expliquer parce que c'est quelque chose de très particulier, mais vous irez chercher je sur sais, Google. Je sais. Voilà. Ouais. C'est il vrai. Il l'avait dit sur Taratata, je crois. Ah bon. Ouais, moi, je l'ai entendu. Je pense que ça va plaire à François. Ah bon. Oui. Pour. C'est pourquoi on en dit un peu blague grivoise. Voilà. Eh ben merci, ça y est, je ne suis rendu qu'à ça. C'est en bois. Ah oui, d'accord. Un bit bokeh. Alors, on va dire que ta première syllabe, on peut s'arrêter. Un bokeh. On n'en dit pas plus, on continue. Tenez-vous, joyeux Noël, les enfants. C'est Noël. Joyeux Noël. Bienvenue à vous et ceux qui nous rejoignent ce matin sur Fadjet. Une matinale un peu spéciale, tout un à peu fait, barbouillée. Tout à fait barbouillée. Donc, ça va avec la veille. C'est normal, on a fait une soirée. Et dans toute soirée qui se respecte, t'as toujours des petites blagounettes. Hein. C'est tonton qui s'y colle en général. Hein. C'est souvent tonton qui s'y colle. Pas, c'est bizarre. C'est vrai. C'est souvent en fin de soirée. Et parfois, il y en a, comme moi aussi, qui regardent les films de Noël. Je crois, Mélie, que tu en regardes tout le monde, certains. Non, je les regarde pas. Enfin, je les regarde juste pour les critiquer. C'est vrai. Limite, mais c'est tout. Non, parce qu'il y a quelques années, ces films étaient franchement... T'en trouvais que quelques-uns sur TF1. Là, maintenant, ils se sont mis à vraiment... Et puis même recycler les comédiens, les acteurs qui, parfois... Il n'y en avait qu'en décembre. Ah ouais, il y en avait qu'en décembre. Je crois que ça commence dès le mois d'octobre maintenant. Ah oui, oui. Les vacances, à peu près. C'est parce que c'est l'antidépresseur. Noël, c'est l'antidépresseur de l'année. En fait, on arrive en septembre, on a Halloween, et dès qu'Halloween est passé, on bascule sur Noël. Que ce soit même dans les magasins. On pense déjà à Pâques en janvier, après l'épiphanie, les gens pensent. Allez, voilà. Bel été à tous. Bon, on va peut-être pas. Alors, quel film vas-tu nous parler? Alors moi, du coup, j'ai décidé de vous donner des arguments pour détester vous aussi les films de Noël. Voilà, je fais une croisade, en fait. En fait, la première chose que j'ai remarquée, c'est que peu importe le sujet du film, les titres, c'est pratiquement tous les mêmes. Par exemple, si l'histoire a lieu à New York, le titre, ce sera forcément Noël à New York ou encore un New Yorkais à New York, à Noël. À Noël. C'est une catastrophe. Et rien qu'à la lecture du titre, on peut exactement savoir ce qui va se passer. C'est-à-dire qu'on a un beau New Yorkais qui s'appelle soit James, soit Bradley, évidemment, qui cherche l'amour et qui va rencontrer la femme de sa vie au stand de vente de sapins de Noël sur la 5e avenue. Enfin, improbable, quoi. Et du coup, le spectateur, il va vraiment avoir droit à un plan, mais complètement insignifiant, dans lequel l'acteur, il va repartir avec son petit sapin de Noël sous le bras, mais malheureusement, il va trébucher, il va faire tomber son sapin de Noël sur une femme, et là, c'est le coup de foudre. Enfin, jamais personne n'a eu un coup de foudre en se prenant un sapin de Noël sur la tronche. Non. Et généralement, tous les films commencent comme ça. Il y a énormément de films de Noël qui commencent de cette manière, avec... Je veux pas teaser la suite parce que je sais pas la suite de ta chronique, mais aussi celle qui revient au pays en règle générale et qu'elle rencontre le beau bûcheron avec sa belle chemise de bûcheron. Elle tombe amoureuse parce que c'est une New-Yorkaise. Elle ne pensait pas. C'est la working girl, super active. Retour aux sources. C'est ça en général. Je vais ouvrir une pâtisserie, je vais faire des muffins. C'est ça. Et je ne reviendrai plus à New York. Non mais c'est horrible. Hein. Ouais. Donc déjà, premièrement, le titre, il est très gnangnan. Hein. Et j'ai trouvé des exemples de films de Noël. Donc on a par exemple Une bague pour Noël. On se demande vraiment de quoi ça va parler. On a également Un trésor sous votre sapin. Voilà, si on a les mêmes cadeaux qu'a proposé Valentin, c'est pas vraiment un trésor. Pour le on a également Noël à Crystal Falls. C'est pas non plus c'est toujours une ville sympa, Crystal Falls. J'ai l'impression d'avoir déjà vu Crystal Falls. Le titre, je crois que je l'ai déjà vu. C'est ça, un Noël à Crystal Falls. Mais ça me dit quelque chose au nom du truc. Il est sur Netflix, celui-ci. Oui, il est sur Netflix. Ah bah c'est peut-être ça. Il y a la version française, alors pareil, je ne sais pas ce qu'ils ne parlent pas de la suite. Celle qu'ils ont sortie en français avec Taïk, avec deux influenceuses, vous l'avez pas vu? C'était sur Netflix. Catastrophe. J'ai vu la bande-annonce. En plus, j'ai honte. J'ai tout regardé. J'ai tout regardé. Je ne vais plus t'adresser la parole. Hein. François, je ne te parle plus. Désolé, mais en plus, en favori. J'ai même l'impression qu'il faisait exprès de mal jouer. Puis moi, j'ai regardé, c'est pas possible. Et puis si, non, mais c'était vraiment ça. Toute histoire, amoureux, tout ça. Un rappeur sur leur tour. Enfin, une catastrophe. Mais j'ai regardé quand même. Je t'ai coupé, désolé. Mais... Non, mais t'inquiète, moi j'aime bien être coupée. J'ai l'habitude, tu sais, hein, je fais la matinale avec Geller. Elle est assistante magicien, elle a l'habitude. Mais magnifique blague. Continue de nous faire de nous dégoûter. Du coup, généralement, on a aussi affaire à un village parfait hein, dans lequel il n'y a aucun voisin pénible qui va râler parce que tu fais un peu trop de bruit à 20h30. Je ne sais pas si vous avez déjà vu, mais c'est vraiment l'ambiance paradisiaque. Hein. Même les gens qui font leurs courses dans les films de Noël ont l'air heureux. Ouais. Alors qu'en temps normal, non, personne n'a l'air heureux en faisant ses courses. Pas hein. C'est juste c'est la vrai, galère. C'est juste la galère. Ils sont là, ils font leurs courses un 24 décembre. Il y a du monde t'es partout. En speed, t'es en speed. Tu tapes les gens avec ton caddie pour passer. Non, enfin, chez tu te eux, pour non. Le dernier chapon ou la c'est dernière dinde. Mais chez eux, ouais. Non, tout mais est non. Beau. Oh, puis ils dansent même ouais. Parfois dans le magasin. Enfin, qui fait ça? Moi, ça m'insupporte. Ils sont tous tout beaux en permanence. Mais oui. Ils ne suent pas. Ils ne suent pas. Ils sont qu'on a. T'as qu'à voir à Cora Oudemont, tiens, le 25. Faut le faire. Vous voyez qu'on est quand même plutôt ouais. D'accord pour dire que c'est des films qui sont nuls. Ouais, là, c'est on vrai, se retrouve. C'est vrai. Donc déjà, le titre, il est pénible. L'histoire, elle est tirée d'un monde parallèle. Enfin, ça n'existe pas. Mais en plus, vraiment, le film, moi, ça ne reflète vraiment rien du tout de Noël. Non. C'est-à-dire qu'on ne va pas avoir de viande cramée, hein, mangeable, un repas de Noël. On ne va pas avoir de tonton bourré à 19h. On ne va pas avoir de cadeaux, justement, qu'on va revendre le lendemain sur Internet. Des pas indigestions. Comme des indigestions. On ne va pas avoir de débat un peu bizarre pour savoir si oui ou non le Covid a été créé par les Chinois pour nous injecter une puce 5G. Enfin, ça n'existe pas dans les films de Noël, alors que dans la réalité, c'est ça. C'est ça. Enfin, les débats pénibles, hein, désolé, les membres de ma famille hein, hier soir, mais bon. C'était ça. C'est une catastrophe. Oh, le Covid, hein, oui. Moi, j'aimerais bien qu'on fasse un vrai film de Noël. C'est vrai ? Où il se passe tout comme dans la réalité. Avec de la neige en polystyrène ? Parce qu'il y a aussi de la neige, souvent, de la neige en polystyrène. Neige en polystyrène. Bah, tu peux regarder sur la TNT, sur Appel d'urgence ou autre. Ouais, voilà. Le soir de Noël, les urgences le soir de Noël. Moi, j'essaye et je mets même le feu de cheminée sur ma télé, le faux feu de cheminée. Comme ah ça, oui, pour c'est bien ça. Il fait... Il pète un peu comme ça. Ou alors tu peux regarder... Il fait descendre un Père Noël. Ou alors tu peux regarder, c'est le clip des fêtes de famille dans Orelsan, c'est pas mal aussi. Ah oui, oui. Ah, alors, mais, lui par contre il te cache tout, voilà. Il te casse tout. Ah, Et du coup, je termine cette chronique par avoir un... Il y a un seul avantage pour moi au film de Noël, c'est vraiment que tout le monde peut en écrire. Ça c'est vrai. Hyper facile, il suffit de quelques mots. Et du coup, pour fêter ensemble le 25 décembre, j'ai décidé d'écrire le Noël de Fadjet. Vous voyez, un titre encore très pompeux. Un Noël à Fadjet. Voilà, ça m'a pris 2 minutes, hein, pas plus. Donc du coup, le titre parle du micro de Noël. Fadjet, radio, voilà, ouais, on très loin. Donc on est le 25 décembre, il y a un épais manteau neigeux qui a recouvert la petite ville de Nancy. Encore une fois, on est dans les clichés. Hein. Il est 10h lorsqu'Aurélie arrive au studio de Fadjet. En retard, du coup, parce que... Oui, en retard, comme d'habitude. Comment tu le sais ? Donc le sapin illumine le hall d'entrée, la chaîne IFI diffuse des chansons de Noël choisies par la veille par un passionné, Guélon, qui adore les chansons de Noël. Ah bon ? T'aimes bien ? Eh oui. Bah oui, je suis sa voisine, hein, je confirme qu'il y a ça. Donc Aurélie se sent bien, légère, et s'apprête à préparer la venue de tous les chroniqueurs pour une matinale féerique de Noël. Mais, stupeur, tous les micros ont disparu. À quelques heures de Noël, c'est un drame. Les chroniqueurs arriveront-ils à sauver Noël à temps ? Et surtout, alors, où sont les micros ? Qui a pris ton micro ? Et là, Jean-Luc est en panique. Jean-Luc est notre responsable technique. Non ! Mais alors, j'ai quand même une question, Mélie, parce que voilà, faut l'avouer quand même. Autour de la table, on les regarde quand même, non ? Un peu les films de Noël, non ? Enfin, ne me dites pas que vous en avez pas regardé. C'est pas très radiophonique, mais on va compter. On ne peut pas dénoncer. Levez la main. Ceux qui les regardent quand même. Au moins, regardez un. J'en ai regardé un. Je peux me réjouir. Ben voilà, c'est ça. Donc, je ne sais pas ce qu'on dit. Est-ce qu'on les regarde au premier degré, vraiment, en se disant non, c'est trop beau, cette histoire d'amour, machin et tout, et je voudrais vivre la même chose, ou on regarde justement en se disant un peu, déjà, j'ai rien d'autre à faire. Ouais. Un peu comme quand tu tombes sur la télé-réalité, et tu te dis juste, oh, qu'est-ce que c'est nul quand même, ou qu'est-ce qui joue mal, et tu as envie de regarder jusqu'au bout pour savoir si ça sera nul jusqu'au bout. C'est ça. Je pense que c'est ça. Donc, il y a différentes façons de regarder, mais je pense que parfois, on peut se laisser embarquer. Ouais. Mais ça n'avait pas tant d'engouement, en tout cas, avant. Hein. Alors, maintenant, c'est au taquet, il est tourné toute l'année. Et ça permet quand même aussi de... Alors, c'est un peu tristoun, ce que je veux dire, mais de recycler les anciens acteurs et actrices. Hein. Oui. On en avait parlé, je crois, l'an dernier, à l'émission de Noël. C'est aussi parfois amener un nouveau regard sur la société, parce que maintenant, sur les films de Noël, on revoit aussi pas mal de choses qui changent avec des couples gays, avec des couples d'âge âges différents. Donc, ils essayent, mais c'est un parmi un sacré paquet. Oui. Mais ils essayent aussi de pouvoir s'adapter un petit peu au changement de la société. Là, il y en a un sur Netflix. Si on peut souligner un truc positif. Ah, ça, c'est positif. Là, il y en a un sur Netflix avec une super belle nana et un petit chinois pas très beau. Qu'est-ce que c'est que ça? Mais qu'est-ce que c'est que ce film? J'ai vu la bande-annonce. Je préfère franchement le scénar du bûcheron avec. J'ai vu la bande-annonce et c'est effectivement sur. Ils sont sur les trucs de société, ils se rencontrent sur un site, une application. Ouais. Et en fait, donc lui, il a menti sur son physique. Elle va le voir, elle se rend compte que c'est pas lui. Et le vrai mec de la photo habite dans le village, donc il va quand même la brancher avec. Et puis au final, alors je sais pas si certains voulaient le regarder, mais voilà, le truc c'est que... Spoiler alerte. Et qu'au final, mais c'est comme ça toujours, hein, c'est qu'au final, elle va écouter son cœur, elle va pas aller voir le beau gosse, mais elle va aller voir celui qui est gentil. Le petit moche, c'est comme ça que ça se passe, que vous voulez. On peut rien y faire. Rien de mieux qu'une voix d'enfant. Joyeux Noël sur Fadjet. Pour adoucir les mœurs. Bienvenue à ceux qui nous rejoignent, vous l'aurez compris, la bonne humeur est de rigueur en cette belle matinée de Noël sur Fadjet. Nous sommes le 25 décembre et on continue avec les chroniqueurs matinaux. Oui, c'est ça, on peut le dire ainsi. Hein. Et on va passer la parole à Gallone, entre autres du lundi, qui va nous donner des petites anecdotes. On continue à parler un peu cinéma, film. C'est ça, on va parler film de Noël, car si je vous dis film de Noël et Kevin McAllister, vous pensez tout de suite à Maman, j'ai raté l'avion. Ah ouais. Et pour cette matinale de Noël, je vous ai concocté le meilleur des anecdotes concernant les deux films cultes. Alors déjà, on va commencer par la première anecdote. Donc je ne sais pas si vous vous souvenez qu'il y avait une grosse tarentule dans le film. Ah bon ? À un moment, Kevin met l'araignée de compagnie de son frère Buzz sur le visage de Marvin afin de le distraire pour s'échapper. Mais comme l'acteur voulait que ça soit réel, il a laissé vraiment une vraie araignée vivante se promener sur son visage, à condition que la scène ne soit tournée qu'une seule fois. Par contre, le cri qu'il pousse a été doublé plus tard parce qu'il avait peur d'effrayer la tarentule. Donc en fait, il a fait semblant de crier et après, il s'est redoublé lui-même au montage. On parle de Macaulay Culkin. De Macaulay Culkin, non? Non, là, on parle d'un des deux méchants. D'un des deux méchants, à un moment, je ne sais pas si tu te souviens, dans le film, il a une grosse araignée qui lui marche dessus. En fait, Kevin s'en sert pour partir. Il lui met l'araignée sur la tête et après, il le distrait. D'accord. Sinon, l'autre des méchants, donc Joe Pesci, voulait réellement effrayer donc Macaulay Culkin. Et du coup, afin de garder la peur du jeune homme le plus authentique possible, il l'a ignoré de tout le tournage. Et il l'a même, sur une scène, mordu jusqu'au sang. Sans faire exprès. Il devait faire semblant de le mordre. On m'a traité tellement dans le rôle qu'il l'a fait exprès. Et il a encore la cicatrice. Hein. Donc il a fait une grosse morsure. Parce que Macaulay Culkin, aujourd'hui, il a 41, je crois qu'il est de 80, je crois. Ouais. Il a refait, alors je voudrais pas non plus. De quoi tu vas parler, mais il a refait un petit remake pour une pub pour Google. Où il rejoue tout en disant en 2021 s'il devait refaire ce film Google met je sais plus comment il lance le truc, met ça en route. Oui, ça changerait totalement. Et tous les pièges, les alarmes et tout ça aussi quand les alarmes se mettent en route, les pièges, et lui il bouffe tout tranquille. C'est vrai. Et mine de rien, Maman, j'ai raté l'avion, ce n'est pas qu'une comédie, mais également un film d'action. Et on pense à cette scène où Kevin s'enfuit de la maison avec une tyrolienne à plusieurs mètres au-dessus du sol, ou encore quand il tombe des étagères de Buzz. Mais pour ces scènes, ils ont utilisé un cascadeur de 30 ans, soit 20 ans de plus que Macaulay Culkin à l'époque. Il avait 30 ans, le gars qui doublait Macaulay Culkin. Et on n'a pas vu la différence. Et personne n'a vu la différence, parce que c'est tellement bien tourné que... Il était pas spécialement grand. Ça, parce que c'était un enfant, Macaulay Culkin. Après, si tu regardes le film en arrêtant vraiment l'image, tu vois quand même que c'est pas lui. Mais il faut arrêter l'image, ce que personne ne fait quand il regarde un film. C'est ça. Et c'est... Alors, je vais dire n'importe quoi. Maman, j'ai raté l'avion. T'inquiète, on a l'habitude. Et l'autre, mes parents divorcent, c'est les mêmes... C'est au même moment dans l'année, les deux films-là, de Macaulay Culkin, ou pas du tout. Pas du tout. Parce que c'est la même période. C'est les mêmes petites périodes de Noël aussi, je ne me rappelle plus vraiment. Mais ce ne sont pas liés, les films. Ils ne sont pas liés. D'accord, tu vois, j'y croyais encore. Et donc, comme c'est un film... Ouais, non, mais pour moi, ils sont vraiment liés, les deux. Je ne sais pas pourquoi ils passent toujours à Noël. Faudrait que je re-regarde les films. Il est dit tout le temps diffusé, donc tu n'auras pas de mal à le retrouver. C'est ça. Et donc, le film a explosé le box-office à sa sortie avec 290 millions de dollars de recettes. Il est resté numéro 1 pendant 3 mois. Et c'est même devenu un verbe pour qualifier un film qui détruit par sa puissance ses concurrents. On dit qu'il a été Home Alone, puisque le titre du film en anglais, c'est Home Alone. Voilà. C'est bien. Mais voilà, c'est donc maintenant, et en fait, le film n'a coûté que 15 millions de dollars, alors qu'il en a rapporté 533 dans le monde. Il devient ainsi le plus gros succès financier des années 90. Il est même au Guinness Book des records des films le plus rentable. C'est ce pourquoi peut-être que ce petit acteur n'a plus eu besoin de travailler après derrière. C'est ça, exactement. Et j'en parlerai plus tard, parce que je vais donner son salaire. Ah, ça c'est intéressant. Et si, et alors tu parlais de la fausse neige en polystyrène, oui. Et bah dans Maman j'ai raté l'avion, on voit de la neige tout le temps, et bah c'est pas de la vraie neige puisque c'est des flocons de pommes de terre. Ouais, je savais pas du tout que les flocons de pommes de terre ressemblaient à la neige. C'est ça, flocons de pommes de terre, ça, c'est d'accord. Bah, c'est la poudre que tu fais dans tes. Ah oui, donc ils jettent de la poudre comme ça. Voilà. Bon. Ah, on peut faire la même chose chez nous. C'est ça. Pour le film de Fadjet, bah Noël voilà. À Fadjet, on va faire. Des... Mais on voit bien dans les films de Noël que c'est du polystyrène hein, sur les autres. Ah bah oui, oui. Sur les trucs qui restent là pendant tout le film. C'est ça. La neige ne fond jamais. Et enfin, si jamais vous voulez acheter la maison de la fille McAllister. Elle a été vendue pour 1,5 million de dollars en 2012 et c'est encore une attraction touristique aujourd'hui puisque vous pouvez la louer pour Noël. Ouais, j'ai vu ça pour sur Airbnb. Ouais. Et là, on va passer sur le deuxième film, Maman, j'ai encore raté l'avion. Vous savez, il se passe à New York. New York. Et en fait, il faisait tellement froid lors du tournage à New York qu'ils devaient effectuer une rotation des caméras. Et d'ailleurs, ils avaient dépensé une fortune dans des machines à neige, mais en fait, un blizzard s'est abattu sur New York le premier jour de tournage. Donc, ils ont dépensé de l'argent pour rien puisqu'en fait, il y avait de la vraie neige. D'accord. Dans la vraie vie, donc Harry et Marvin, les deux méchants, n'auraient sûrement pas survécu aux attaques de Kevin. Si l'on en croit une enquête menée par la chaîne YouTube Screen Junkie, tous les pièges disposés dans la maison auraient permis en réalité de tuer chacun d'entre eux 4 fois. Et un chiffre grimpant à 14 fois si on ajoute le deuxième film. Ah, ils sont résistants. C'est ça, donc normalement, ils sont censés mourir plein de fois. Et on va parler du salaire de Macaulay Culkin. Ah, ça parlait tout à l'heure. Il était payé 100 000 dollars pour son rôle dans le premier film, mais avec la véritable... C'est pas énorme. C'est pas énorme, justement, oui, mais avec le deuxième film, il a été payé 4,5 millions de dollars. Ah oui. Et ses parents n'ont rien piqué, parce qu'en général, quand c'est comme ça, les enfants stars... Bah, c'est censé être bloqué sur un compte jusqu'à 18 ans, mais j'avoue que j'ai pas l'impression. Parce qu'après, il est sur les diffusions aussi, ensuite, non? Ah bah, je pense, bon, là, il est multimillionnaire. Oui, mais, non, mais c'est peut-être pas comme la musique, t'es pas auteur, compositeur, une fois que t'as joué une fois, tu touches plus de royalties. Ah, tu peux toucher parfois dans des films, là, il y avait comment elle s'appelle, un nouveau film qui est sorti. Edith Piaf. Non. Oui. Audrey Fleurot. Vas-y Mathéo. Vas-y. Arrête à Franklin. Non, c'est pas ça. Ah non, pas du tout. Pas du tout. Non, une actrice mince. Mais faut chercher sur Google. Tu vois, t'aurais Google, tu cherches. Ah, Céline Dion. Non. Ah, bah non. Enfin bref, elle a poursuivi, elle a été payée pour faire le film, elle a poursuivi après parce que ça allait être revendu à Netflix. Ah, j'en ai entendu, je sais plus qui, mais j'ai entendu parler. Oui, voilà, il y a aussi Emma Stone qui a voulu faire pareil pour Cruella. Ah oui, Emma Stone, comme ça. Oui. Et en disant voilà, parce qu'après, il va être repris et rediffusé par des millions. Elle avait des droits que sur les sorties cinéma. Ouais, et ça a été mis sur les plateformes, voilà. Et du coup. Et elle voulait aussi avoir sa part du gâteau. Parce que Michael Culkin n'a plus rien fait derrière. En plus, il y a un moment, ça tournait un petit peu mal pour lui. Il a bu un petit peu surtout. Delphine! Je crois que l'actrice c'est Scarlett Johansson. Scarlett Johansson. Voilà. Et pourtant c'est pas un film d'horreur. Je l'avais oublié. J'en ai parlé dans la matinale aussi. C'est vrai, t'en as parlé la matinale. Merci Delphine. Et j'ai encore deux petites anecdotes. Ah. Comme vous l'avez peut-être remarqué, Donald Trump a joué dans le film. Il a d'ailleurs voulu avoir une réplique dans le film et pour obtenir sa réplique, en fait, il a juste fait pression parce qu'en fait, le Plaza, l'hôtel dans lequel est tournée la suite, lui appartenait tout simplement. Ouais. Donc du coup, en fait, il a fait le forcing et a dit si vous voulez tourner dans mon hôtel, je dois apparaître dans le film. Ce qu'il a fait toute sa carrière. Et enfin, la dernière. Pardon, je croyais quelqu'un. On l'aperçoit et on l'entend même. Oui, je me rappelle. Oui, il y a plein de trucs que je me rappelle. Il donne la direction directement à Kevin à un moment et lui dit. C'est discret parce que je m'en souvenais. Ça dure 3 secondes. 3 secondes, mais c'est pour lui faire plaisir, quoi. C'est ça, exactement. Et enfin, je finis avec le fameux dictaphone que Kevin utilise, mais qui n'est pas en fait un vrai produit. Il a été créé spécialement pour le film. Mais comme il y a eu un tel engouement autour du film, et bah le producteur du film a créé le dictaphone de Kevin et ils ont vendu des millions. Ah, donc ça a généré quand même beaucoup de pognon. Hein, c'est ça, exactement. Ah bah là, du pognon, il y en a. C'est vrai. Et en plus, on le revoit depuis. Est-ce que tu te rappelles de la date de sortie de ce film? C'est les années 90. Il a été rediffusé il n'y a pas longtemps. C'est quelque chose. Bah, et qui chaque année, il est rediffusé de toute façon. Donc ça fait plus de 30 ans. Eh bien, merci Gallone pour cette sympathique chronique en tout cas. Et on va écouter, un peu de musique. Hein. On va écouter Kylie Minogue avec A Second to Midnight. C'est un petit coup de cœur musical de Jérôme ce matin. Bon réveil si vous vous réveillez seulement et joyeux Noël, vous êtes sur Fadjet. Et on est à quelle heure? Seconde to Midnight ce matin sur Fadjet de Kylie Minogue. Joyeux Noël sur Fadjet. Oui les amis, joyeux Noël sur Fadjet. Cette matinale un peu spéciale, si vous nous avez suivis depuis le début, eh bien elle se passe dans la bonne humeur avec tous les chroniqueurs que vous retrouvez tout au long de l'année de 7h à 8h30 chaque jour un petit peu. Eh bien on les a aujourd'hui avec nous en ce 25 décembre. Et celle qui aime aussi nous raconter des histoires, elle va nous conter une jolie histoire ce matin, c'est notre Joss. Alors, c'est un conte de Noël écrit par Vanessa qui a 11 ans et c'est une histoire palpitante. Et quand je vais lire cette histoire, je vais penser à Catherine. D'accord. Parce que Catherine, tu vas peut-être te retrouver. C'est le soir de Noël il y a 6 ans. Ma mère avait préparé le menu. Une délicieuse dinde au marron et une bûche en dessert et invita toute la famille à réveillonner avec nous. Vers 11h30, maman me demanda d'aller me coucher. À peine rentrée dans ma chambre, un bruit se fit entendre. C'était sûrement le Père Noël. Je descendis les marches et j'ouvris la porte doucement. À ce moment, je vis ma mère en train de parler au Père Noël. Tout à coup, un bout de conversation attira mon attention. « Ça va, chérie? Tu n'as pas trop chaud dans ce déguisement-là ?» et se mit à sangloter. Le Père Noël était en fait papa déguisé. Maman me vit pleurer et s'agenouilla près de moi et m'expliqua que le Père Noël n'avait pas pu se déplacer ce soir et que c'était papa qui le remplaçait. Mais où est donc le Père Noël? Existe-t-il vraiment? Je retournai dans ma chambre et m'endormis. Soudain, un autre bruit me réveilla. Un grand boum me fit sursauter. J'ouvris la porte et je vis un gros cadeau avec une carte accrochée sous le sac. Voici ce qu'il disait. « Bonjour Vanessa, je te souhaite un joyeux Noël. Je t'offre un gros cadeau rien que pour toi. Signé le Père Noël, le vrai. » C'est une histoire qui a été écrite par une petite fille de 11 ans. D'accord. J'ai trouvé ça mignon. Eh ben, c'est mignon ce petit conte. Et pourquoi par rapport à Catherine, tu disais ça? Parce que Catherine a raconté qu'un soir de Noël, ses parents avaient oublié. Ah, donc c'est pour le Père Noël est revenu pour lui offrir un cadeau. C'est pour ça que j'ai pensé à Catherine. Oui. Moi, quand j'habitais dans 10 ans. Et là, la petite fille, pareil, Vanessa. Ah. Moi, quand j'habitais dans les favelas, on m'offrait du gravier à Noël. C'était triste. Non! 94.2, c'est plus qu'une radio. Merci Majos, en tout cas pour ce joli petit conte. Faut pas le croire. Et faut pas me croire, non. Là, il essaye juste d'avoir un peu plus de café, compassion. De pâtisserie tout à l'heure quand on va quitter l'émission là dans quelques minutes. On a de la bûche? Non, on a prévu plutôt des petites viennoiseries. Non, la bûche, c'est bon. Mais là, t'avais dit qu'on mangerait des... Ça se mange encore, la bûche bien lourde, ça, la bûche au beurre, comme ça. Est-ce qu'on la mange encore à Noël, ça aussi c'est... Ça a changé un peu, on est sur des gâteaux plus light. Non. Non. Alors, moi, ma belle famille, désolée si vous m'écoutez, ils ont une manie, ils font une bûche au marron. Oh, c'est un truc, c'est horrible à manger. Au marron. Moi, j'aime bien le marron. Non, mais c'est super lourd. Je trouve que c'est ce truc au beurre, par contre, que t'arrives pas à digérer. Non, mais c'est ça le but. C'est de manger un truc bien gras. Bien dosé. Le beurre, la crème au beurre, faut que ça soit bien dosé pour pas que ça soit trop. C'est vrai. Ouais. Et qui sait faire ça? Moi, je sais pas. Je sais pas. Eulalie, tu voulais dire quelque chose, toi? Tu manges de la bûche? Oui. Moi, on fait de la bûche avec ma grand-mère. Elle coupe le Une bûche roulée. Alors, oui, parce que c'est compliqué à faire. Non, mais c'est du biscuit avec du chocolat, plus du chocolat par-dessus. c'est pareil, c'est bien pouf pouf. C'est bien pouf pouf. Mais c'est vrai que c'est bien énorme. Si tu fais pas un repas très lourd avant, donc c'est voilà. Parfait en dessert quoi. Parce que je trouve que souvent maintenant c'est toujours glacé un peu. On mange de la buse glacée. Ouais, on n'est plus à l'ancienne. C'est vrai, pour c'est la digestion. Un business pour les. C'est pour, voilà, pour les pâtissiers. C'est et pour tout, être. C'est pour avoir ce winter body. C'est pour. Oui, c'est mais pour c'est être. Mais c'est pareil, buse de Noël, summer, c'est devenu un vrai business et il les présente dès comme les films de Noël, c'est de plus en plus tôt. Ils font des collections de bûches de Noël dès septembre où ils invitent tout un tas de gens, d'influenceurs pour montrer leurs nouvelles bûches et tout. C'est vrai, c'est vrai. On se grince. Je grince, excusez-moi. Hop là, je me replace, je replace ma prothèse. C'est ça que allez, il nous reste quelques minutes. Oui, et attends, avant de se quitter, c'est bientôt la fin, mais on va peut-être jouer un petit peu s'il nous reste un petit peu de temps. Attends, je me prépare. Mais oui, c'est bon, on va pouvoir jouer, effectivement. Donc, on a un petit blind test et c'est toi qui vas le faire, Aurélina. Exactement. Alors. On va... Le but, hein, ça va être de découvrir des films de Noël grâce à leur BO. Ouais. Parce que cette musique-là, on la connaît, la première, en tout cas, c'est sûr. Alors, on va commencer donc un classique de Noël, une chanson donc, de ce film. Ouais. Saurez-vous retrouver le film ? On lève la main. Hein. Noël à New York. Et non, mais parce qu'on connaît vraiment la musique. Mais est-ce qu'on connaît le titre du film ? Le film n'avait pas un peu bidé, non ? Ou une histoire dans le genre Si je vous le dis, vous allez vous... Comment ? Non, pas du tout. Exactement. Bravo, c'est la chanson qui avait bidé. C'est quoi ? C'est pas le film qui a bidé. Non, mais il me semble que la chanson était sortie... Elle avait ressorti plus tard et c'est quand elle avait ressorti que ça avait cartonné, il me semble. Love Actually, donc là, le morceau, c'est « All I Want for Christmas is You » de Mariah Carey. Love Actually, un film écrit et réalisé par Richard Curtis, c'était en 2003, hein, pour les petits jeunes qui sont avec nous. Vous n'étiez pas nés. Mais c'est qui l'actrice principale ? C'était pas Mariah Carey ? Non, pas du tout, elle a fait la BO. Mariah Carey, c'est l'intérêt. J'ai cru qu'elle avait tout fait, elle, tout. Elle était partout, elle faisait les pubs, elle faisait tout. Et donc, la particularité du film, c'était que le réalisateur avait plutôt pas trop l'habitude de faire ce genre de film. Et là, il avait voulu évoquer le destin amoureux d'une vingtaine de personnages principaux avec différentes histoires qui s'entrecroisaient au fur et à mesure du récit. Ça fait partie des films de Noël, en tout cas, qui sont en rediffusion à chaque fois, à chaque année. C'est très, très bien. C'est vrai ? Ouais, c'est vrai. Ah, donc c'est pas mal quand même, ça se laisse regarder. C'est, pour de vrai, c'est pas ironique. Ah bon, C'est un film un peu cuculapraline, quoi, mais c'est sympa. On aime bien les films cuculapraline à la bûche. Film de Noël. C'est comme ça. Alors, on a un deuxième extrait. On va. Bon, c'est peut-être un peu facile pour. Dis pas. Quelqu'un d'ici, mais c'est pas grave. Allez, vas-y. Bah du coup je pense que je l'ai. Alors vas-y Galone. Bah c'est Maman j'ai raté l'avion, Jingle Bell. Enfin Maman j'ai encore raté l'avion. Alors et de qui je ne sais pas. C'est compliqué. Bah, on va faire ça un peu plus compliqué hein. Ouais. De Bobby Jingle Hans. Bells de Bobby Hans. Ah bah j'aurais pas trouvé. Et on parlait de chiffres également, donc ouais le ratio coût chiffre d'affaires, c'était le meilleur ratio coût chiffre d'affaires de tous les temps avec ce film. Le film n'avait coûté que 15 millions, il en a rapporté 533. Pour Maman, j'ai raté l'avion. Rentable. Et donc pour la musique du film également, pour le reste, c'était John Williams. Alors connu aussi. John Williams, un grand chanteur. Attention, on passe au troisième extrait. Alors c'est toujours un film qu'il faut trouver. Et je pense que voilà, si peut-être encore quelqu'un qui va être favorisé. Je dis rien. Rien de plus. Ah, Delphine. L'étrange Noël. Normal. Je savais qu'elle allait. Il y avait quelque chose d'étrange, je savais qu'elle allait être privilégiée. J'ai eu ma période Tim Burton, bizarrement. L'étrange Noël de Monsieur Jack, le titre du morceau Que vois-je ? Ouais, enfin, ça c'est peut-être la version. What's this ? Ouais. Oui. C'est ça, c'est que vois-je ? What's this ? Très bien. Tu savais, Joss ? Non mais oui, c'est elle qui m'a soufflé dans l'oreille. Bien sûr, elle me l'a soufflé dans l'oreille. L'avantage à Delphine. Bien donc, sûr. Tim Burton, le réalisateur, ne voulait pas forcément une musique de dessin animé traditionnel. Il a donc contacté Danny Elfman, qui est un compositeur plutôt jazz, pour justement faire cette musique de film. Est-ce qu'on a encore un peu de temps, François ? Alors attention, Ouh là, il nous le reste temps qu'il regarde ça. Sinon, on est à la fin. On en fait un dernier. On en fait un dernier. Allez, le tout Allez, dernier. Le tout dernier parce qu'il faut le faire quand même. C'est compliqué ça. Alors attention, deuxième indice. Deuxième indice. Toi et moi. Et là, on les a perdus. C'est le Père Noël est une orbe. Oui, c'est ça, c'est le Père Noël est une orbe. Je savais qu'il allait sortir. Père Noël. Oui, forcément. Et donc, la musique de Vladimir Kosma, le Père Noël est une ordure. On reconnaît finalement, quand on dit Vladimir Kosma, on reconnaît le premier morceau qui est quand même dans cet univers. 1982, un film de Jean-Marie Poiret. Et bien sûr, avec toute la bande du Splendide, tous ceux qu'on connaît. Clavier, vous les connaissez tous ? ZZ et Plus X. Oui, il est trop bien ce film, moi j'adore ce film. Marielle Chazelle ? Voilà, qui était à la base une pièce de théâtre, donc la troupe du Splendide qui avait commencé au théâtre. Et il faut savoir aussi qu'à sa sortie en salle, le film avait été boycotté par la RATP, qui avait refusé de louer les panneaux publicitaires pour l'affiche en raison de son titre provoquant. Et il y avait des cinémas qui avaient même ajouté des mentions sur les affiches. Le Père Noël est une ordure, mais pas le vrai. Bah, oui, c'est ça, mais et puis ils découpent quand même des mecs. Ils avaient peur. Oui, oui, c'est un peu glauque quand même. Voilà. Ouais. Et j'ai l'impression que ça se termine tout de même. On va pouvoir aller dormir ? Ben oui, on va pouvoir aller se recoucher ou fêter encore Noël. Joyeux préparer Noël le encore repas à tous. De ce midi. Merci à tous nos chroniqueurs du jour, Valentin, Eulalie, Delphine, Galone, Joss, Catherine, Mélie. Merci à toi Aurélie aussi. Merci François. Dans cette chouette émission, on se retrouve en ce qui nous concerne pour la matinale à la rentrée, n'est-ce pas ? On sera toujours au rendez-vous. Des petites vacances pour vous. Des petites vacances, un peu de repos. Merci à tous également de nous avoir suivis sur Fadjet. On espère que ce 25 décembre a bien débuté en nous écoutant. On a parlé un peu de nourriture, de choses étranges, de jeux, de films. Vous aurez plein de choses à raconter ce midi au repas du 25 ou ce soir encore, si vous doublez la journée. Et joyeux Noël et belle fête de fin d'année. Ciao. Ciao, ciao. Ciao. Ciao.